Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. Yes. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Les chroniques et linguistiques de Jasmine et aléatoires de Myriam. Et on reçoit Yann Martel avec sa chronique financière. C'est un assemblage requis et ça commence! Maintenant! Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis en ce mercredi 7 décembre 2011. On t'en dirait des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François-Olivier. Et c'est une barrique de belle journée, ça. Oui. Oui. Effectivement. C'est une technique de marketing. On essaie d'insérer les noms de nos commanditaires dans la conversation, mais de façon, c'est subtil un peu, tu sais. Oui. Et ça fonctionne bien. C'est bon, c'est bon. Donc, aujourd'hui, à l'émission, on a Jasmine Raymond-Dréville avec sa chronique linguistique. Aujourd'hui, elle débute une nouvelle série sur la nouvelle orthographe. Donc, c'est du nouveau, là, bout à bout, tu sais. OK. Ça va être vraiment bon. On va apprendre à écrire. Ben, c'est ça. T'en as besoin? Oui. Non, c'est une question. C'était pas... Je disais pas... Je voulais pas t'insulter. C'est ça. Non, mais, tu sais, en fait, ça peut être pratique. Hein? Ben, c'est ça. Oignon, je me rappelle même plus comment est-ce qu'on écrit ça. Non. Ou... Quand tu veux traiter quelqu'un d'oignon... Ouais, c'est ça. Sur c'est... Facebook, mettons. Hein? Ah non, tu fais pas ça. Voyons donc, Mathieu. Ben non, mais là... Voyons donc. Tous tes amis sur Facebook, c'est des gens que tu connais très bien. Ben, c'est tous pas des oignons. Ben, en fait, c'est posé. J'espère. On parle mal. Faut dire tous, des fois, à la place de tout, hein? Tout. On va apprendre la tout bien dire tantôt. Oups, attends. Oh, ça marche. En tout cas. Aussi, dans l'émission d'aujourd'hui, à 8h, Myriam Fugère et sa chronique aléatoire. On sait pas de quoi elle nous parle. C'est comme une boîte à surprise. On le dit tout le temps. Elle a... C'est quoi, ça? Ben, en fait, on le sait. Elle nous l'a dit la semaine dernière. Elle faisait jusqu'à Noël. C'était des idées de cadeaux de Noël. Ah, pour vrai? Je me rappelais pas. T'as raison. Oui. T'as raison. J'aime ça. On a besoin de ces idées-là parce que acheter des cadeaux, c'est pas évident. Non. Donc, on a besoin d'idées. Oui. On a besoin d'idées. Et Yann Martel nous parle du projet de loi 24 qui vise principalement à lutter contre le surendettement des consommateurs et à moderniser les règles relatives au crédit à la consommation. D'accord. C'est bien. Ça a l'air compliqué comme ça, là. Ben, c'est long un peu comme titre. Mais on va plus s'attarder, en fait, là, sur l'impact qu'elle pourrait avoir sur les campus, cette loi-là. Merveilleux. Merveilleux. On va peut-être aussi glisser un petit mot sur la journée carrière à l'enseignement qui a lieu aujourd'hui même. Exactement. À l'Atrium. Là, je l'avais dit qu'on intégrait les commanditaires. Ça fonctionne bien, hein? Service. Subtil, Ected Service. Ah ben, oh, aux étudiants. Oh! Ouh, je me mets l'index sur la joue pour avoir l'air stupide. Bon. Entre autres. Et la chronique, c'est un fait, évidemment, qui sera de retour avec un paquet de choses bien intéressantes, dont un fait sur le film Jaws, Les Dents de la Mer, où la fille, tu sais, une fille, à un moment donné, qui se met à crier, là. Ouais, elle doit s'en manger, hein? Non? Ben, ouais, je crois que c'est ça. J'imagine. Ouais. Mais elle avait vraiment mal, mais c'était pour une autre raison. Mais le réalisateur pensait que c'était vraiment un bon talent d'actrice. Mais c'était pas le cas. Vous allez en entendre parler tantôt dans C'est un film. On débute avec notre ami Marc Derry. Sa pièce, c'est l'Astroblème sur l'album numéro 4. Le bleu. Regardez-moi ce ciel. On n'a rien vu de si beau. Depuis facilement l'année zéro. La terre est encore belle, encore pleine de gouttes d'eau. Il ne nous manque rien, il y a tout ce qu'il faut. Yeah. des bons sentiments dans le cœur de tous les hommes, ne serait-ce qu'une fraction de seconde quand ils dorment. Il y a un nouveau soleil, une autre constellation, il y a plein de nouvelles idées qui s'éveillent. Je ne t'entends pas, parce que soleil dehors il n'y a pas, que vu de l'intérieur il semble faire froid. Lorsque je tente de me réchauffer, lorsque j'essaie de me consoler, je n'ai qu'une seule envie, savourer l'agonie. Ce soir encore, j'embrasse la mort, je plonge mes lèvres dans le miel, j'ouvre la bouche juste assez grande pour accueillir un essaim d'abeilles. J'inviterai mademoiselle la reine à se nourrir de mon pollen, et j'oublierai seul à Montréal. Il neige de tristesse diluvienne viennent, les camions qui viennent, les éparpilles. J'aimerais sangloter seulement que la mienne, ne pas partager celle d'une autre famille. Les flocons sont des casse-têtes, je passe la nuit à les rassembler. Peu à peu, ils deviennent forteresses, ils arrivent même à me ressembler. Ce soir encore, j'embrasse la mort, je plonge mes lèvres dans le miel, j'ouvre la bouche juste assez grande pour accueillir un essaim d'abeilles. J'inviterai Mademoiselle la Reine à se nourrir de mon pollen, et j'oublierai que l'hiver est sale à Montréal, et j'oublierai que l'hiver est sale à Montréal. Peter, la pièce Montréal neige sale à Assemblage Requis, hein, une pièce hivernale tout à fait appropriée à cette heure-ci. Très tranquille. Oui, très tranquille. Très tranquille. On aurait pu commencer avec celle-là puis mettre Marc Desrées après, mais bon. Ben, maman, non, on fait pas les choses ordinaires. Non, c'est ça, on est des rebelles. Ouais. On est fou, on est complètement crazy. Débile. Oui. Hein, c'est. On est fou, rebelles. Ça a le fun dans ta tête. C'est la chronique, c'est un fait. C'est un fait qu'elle connaît des choses véridiques, véritables et vérifiables. Et on a une petite rafale de faits rapides pour commencer. Oh! Oh oui! En 2004, une femme de Géorgie a essayé de payer une facture de Walmart, d'accord, de 1675 $. Oui, quand même! Avec un faux billet $1,000,000. Il y avait quoi sur le billet, tu crois? Je sais pas. La Statue de la Liberté. Sûrement qu'il y avait ça sur Internet, ça devait être une joke. Une belle petite blaguette. Elle l'a fait imprimer avec son imprimante. Au moins, elle a, j'imagine, elle a fait de la bonne grandeur. Elle a sûrement dû faire un recto verso. Ah, c'est un billet. Tu sais, voir qu'ils vont te donner du change. Hey, félicitations. Hey, je suis sûr qu'il est passé dans une caisse rapide en plus. Ben oui, sûrement. Hey, non, mais il y a des épiceries qui acceptent pas les billets de 50 $. Là, tu penses vraiment qu'un billet de... Mais il y a des gens qui n'ont pas toute leur tête. T'sais, ils manquent des boulons, peut-être. Peut-être. Pas complètement vissés. Les quartiers généraux de la police du Royaume-Uni, tu connais Scotland Yard? Ouais, oui. Ouais, ça a jamais été situé en Écosse, ça, malgré le nom Scotland Yard, tu sais. Non, Scotland Yard, à l'origine, c'était la place où la royauté écossaise restait lorsqu'ils visitaient Londres. Donc, les rois, reines, etc. de l'Écosse. Ça a du sens. Ça avait bien du sens. Scotland Yard, j'aime ça savoir ça. Une personne de grosseur et de grandeur moyenne. OK. Brûle environ entre 60 et 70 calories à chaque heure lorsqu'il fait quoi, devine, mettons? C'est comme un genre de gars des classes. J'adore hein, cette émission-là. Oui. Je dirais... dormir. Non. Non? Non. Puis c'est pas du sexe non plus. Non. Ben ouais. Ça a arrêté ta deuxième potion. Hein? Ouais. Parlant de potion. Oh bon. Non. C'est en regardant la télé. Ah. Qui est une autre forme de sexe pour certains. Mais entre 60 et 70 calories par heure si on reste là à regarder la télé. 60-70 calories. Ça va bien quand même. Ça va bien. C'est bien en masse pour moi. La girafe mâle détermine la fertilité d'une femelle en goûtant son urine. L'urine de la femelle. Détermine quoi? Il détermine sa fertilité de la femelle en goûtant l'urine de la femelle. Pas sa propre urine à lui-même. Ça n'aurait aucun sens pour déterminer la fertilité. Si elle passe le test du goût, hein, Si et seulement si, il peut continuer de la courtiser. Ah! Sinon, c'est fini. Sinon, c'est fini. Been there than that. Wham, bam, thank you, ma'am. Donner un thumbs up, tu sais, pouce en l'air. Là. Ouais. Quink, pouce en l'air. Ça représente aussi dans le langage des signes américains. Américain. C'est le numéro, le chiffre 10. Ah ouais? 10 pouces en l'air. Langage des signes québécois, je sais pas. Ça veut dire arrête-toi, s'il te plaît. Oui, c'est ça. En auto, faire 10 pouces. Oui, ou encore, ouais, ça peut dire, ouais, ben déjà. Ou good job. Good job. Ou mauvaise job quand on le met par en bas. Par en bas. Sur le côté, ça fait quoi? Je sais pas. Appuyer sur les boutons du micro-ondes, peut-être des fois, ça dépend. Ouais, ouais j'utilise plus l'index. Ouais, moi aussi. Pour le langage des signes québécois, je sais pas. La plus longue blague du monde dure 10 000 mots. Dure 10 000 mots. 10 000 mots. Ça s'appelle Lost in the Desert. Je vais vous traduire ça parce que vous avez besoin d'une traduction. Perdu dans le désert. C'est 10 840 mots. Ça parle d'un homme qui se, devine quoi, perd dans le désert. D'accord? Et arrive dans le jardin d'Éden. In the garden of Eden. Donc, il arrive dans le jardin de l'Éden et il est surveillé par un serpent qui lui offre plusieurs souhaits. Avec 10 000 mots, j'imagine qu'il y a plus que 3 souhaits. Oui, j'imagine. C'est ça. Donc, si vous avez un petit peu de temps libre et que vous êtes anglophile ou peu importe comment on appelle les amateurs d'anglais et qui connaissent l'anglais, allez cliquer sur le lien sur assemblagerequis.com pour lire cette histoire-là. C'est long, 10 000 mots pour une blague. C'est très long. On pourrait aussi appeler ça une pièce de théâtre avec une punchline, une seule punchline à la fin. 10 000 mots, j'avoue que... T'as plusieurs personnages et des dialogues. Ouais, c'est comme. Sure, tu peux résumer bien, bien rapidement. Je suis certain là-dessus. Une fois, un gars qui rentre dans un bar, puis le bar star se rend dans la police. Dans le film Jaws. Ouais. Tu connais Jaws en français, c'est. Les dents de la mer. Ouais. Film très populaire d'ailleurs. Oui. Peut-être plus dans les années 90. Hein. Peut-être. Il y a eu un Jaws 3D à un moment donné, ça devait être écœurant. T'es sérieux? Ouais. T'as eu Jaws, t'as eu Jaws 2, puis t'as eu Jaws 3D. Ça a dû bien pogner, ça. Ben, sûrement. Donc, ici, ce qu'on est en train d'écouter, comme ça, c'est l'ouverture de Jaws. Si on parle que la première fille à être attaquée, on va entendre son cri d'agonie, et je vous en reparle après, là, j'imagine que ça va être bientôt. Là. It cuts right to a fear that you have, that everyone has. Oh, God! T'as compris, hein? Hey, je t'ai dit ça comme ça, là, mais ça doit mal réveiller... En barrique. Ça réveille mal en barrique. Donc, le fait intéressant là-dessus, c'est que la première fille qui se fait attaquer dans Jaws et qui crie en agonie comme ça, c'était un vrai cri d'agonie. Un tout à fait véridique cri d'agonie. Pourquoi? Parce que le harnais qui l'amenait comme ça dans l'eau, violemment d'un côté à l'autre, comme si c'était un requin. Ouais, pour la faire brasser. Là. Exactement. Ça a brisé sa hanche. Donc, le réalisateur croyait que le cri, c'était juste une bonne actrice. Quand même, bonne cette actrice-là, OK, mais on va la prendre pour d'autres affaires. Oups, j'imagine que tu payes cher. On vient de te péter là. Je sais pas si l'assurance couvre ça, un harnais qui volontairement, auquel tu t'attaches volontairement. Bref, allez voir la scène en vidéo hein, sur l'écran de votre radio en tapant assemblagerequis.com avec les petites molettes sur votre radio. Là, si vous allez quelques coups à droite, ça fait des W. Tu bouges les boutons de ta radio. C'est comme un genre de SH sketch, cette affaire-là. OK. Sur les radios. Prochain sujet. Les popsicles ont été inventés par un garçon de 11 ans. OK. Un peu comme la découverte par Marie Curie de la radioactivité. Les popsicles, une autre innovation... comment dire, scientifique, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, une innovation scientifique. C'était découvert par Frank Epperson, qui avait 11 ans. Il a laissé sa liqueur aux fruits, un genre de boisson gazeuse, disons, là, à l'extérieur de chez lui, avec un bâton pour brasser dedans. OK. Je sais pas si c'était lui qui a fait sa propre boisson. En tout cas, ça dit soda à saveur de fruits, donc je sais pas pourquoi t'aurais besoin de brasser de la liqueur, mais bon, l'histoire ne le dit pas. Et on dit présumément parce qu'il faisait froid. Hein? Le soda, la liqueur a congelé et bien, c'est ça, ça a gardé sa saveur. Donc, Eureka, ça lui a pris 18 ans avant de breveter cette affaire-là qu'il a appelé à l'époque le Epsicle parce qu'il s'appelait Frank Epperson. Epsicle. Ses enfants l'ont renommé Popsicle jusqu'à ce qu'ils aient vendu la compagnie en 1925. Ça a pris jusqu'à la Grande Dépression. C'est comme ça qu'on appelle ça, la Grande Dépression. Que notre génie trouve l'idée du Twin Popsicle, donc un bâton avec... deux bâtons avec, dans le fond, tu sais, deux popsicles collés ensemble, si on veut. Ça, c'était donc lors de la Grande Dépression. Et je pense qu'on pourrait peut-être... On a peut-être rendu un popsicle à trois bâtons, je pense. Tu sais, peut-être. Si ça n'existe pas déjà. Parce qu'il n'y a pas de limite au nombre de bâtons que tu peux avoir sur un même popsicle. Hein. Non. C'est sûr que tu as juste deux bras, deux mains, la plupart des gens. Mais bon. Un homme s'est réveillé d'une chirurgie pour découvrir que les docteurs avaient enlevé son pénis. Wow. Herschel Rawls est entré pour une chirurgie à la vessie après avoir développé un cancer, mais malheureusement, les docteurs avaient enlevé autre chose que seulement les cellules infectées. Les docteurs et les chirurgiens de Rawls ont oublié de mentionner à l'homme que ce serait une possibilité qu'il serait peut-être à enlever son pénis et ses testicules à cause du cancer. Donc, vu qu'ils ont oublié de lui dire avant de le faire, ben, c'est normal qu'il le fasse parce que apparemment que le cancer était rendu là, ben, le gars il a poursuivi. Évidemment, il s'était pas fait dire au début parce qu'il a pas donné son accord. Donc, son docteur a dit que le cancer dans la vessie de Rawls s'était, dans le fond, propagé jusqu'à son pénis. Mais ensuite, en regardant les cellules après avoir enlevé le pénis, un autre docteur a découvert qu'il n'y avait pas de cellules cancéreuses dans son pénis. Donc, c'est pour ça qu'il a poursuivi. J'imagine que s'il avait vraiment eu un cancer, même s'il n'avait pas été averti, il aurait peut-être laissé faire. Mais là, comme à la fin, au final, il n'y en avait pas. Tu sais, je sais pas. Drôle de diagnostic, c'est comme, bon, mais hein, moi, sûrement qu'il doit en avoir un, je t'écris même pas, là, pas besoin de regarder le... Bon. Ah, ça fait mal, là. Le plus court mariage du monde a duré 3 heures. À Las Vegas? Non. Non? C'est un couple polonais de Hanover, en Allemagne, qui a le record. Après une petite dispute, le mari a essayé de couper les cheveux de sa copine, de sa femme, avec un couteau de cuisine. Okay, elle a dit non, évidemment. Hein? Elle a continué. S'il te plaît. S'il te plaît, non, merci. Le couple a commencé à se crier après, jusqu'à temps que la police a été appelée et elle les a séparés. Donc, le couple s'est séparé. L'homme a eu une mise en demeure de la part de son ex-femme maintenant. D'accord. Et on parle aussi d'un autre mariage très court, c'est Britney Spears avec Jason Alexander, le couple qui était marié pour un total de 50 heures. Les avocats de Spears lui ont conseillé un divorce. Ils lui ont conseillé ça. Je sais pas pourquoi. C'est pas non plus. Il disait, ses avocats, qu'elle ne comprenait pas ses propres actions, Britney Spears. Peut-être l'effet de la drogue et de la folie, un petit peu. Un araignée à Hawaï a un bonhomme sourire sur son dos. Hein? Non? Mmh. Ben oui. On trouve ça seulement sur l'île de Oahu, Molokai, Maui et Hawaï, donc sur les îles que je viens de nommer. La Happy Face Spider, hein? Tel qu'on la voit sur l'article sur assemblagerequis.com, elle est en train de garder ses œufs à Maui. On la reconnaît par son dessin unique sur son dos et son abdomen. Dans le fond, ça décore son abdomen pâle. Voilà. Les scientifiques croient que la Pteridian Gralator a peut-être développé ses marques spéciales et distinctes pour décourager les oiseaux de la manger. Donc, tu regardes sur son dos, il y a vraiment comme 2 yeux, genre de sourcils, puis vraiment une bouche rouge. Complètement rouge. Ça ressemble étrangement à quelqu'un qui aurait dessiné quelque chose dessus, mais c'est naturel, donc c'est comme ça. C'est sûr que ça donne que ça a l'air d'une face, là, mais c'est quand même c'est bizarre. C'est bizarre, en effet. Sais-tu que les dauphins sont les seuls animaux qui font l'amour pour le plaisir? Non? Ah non? Non. Non. En fait, les dauphins sont la seule espèce à faire la chose pour le plaisir, à part les humains et certains types de singes. Pourquoi est-ce que ça disait que c'était les seuls animaux dans l'ouverture du... Ah, c'est pas grave. Généralement parlant, tu sais, parce que tu commences en disant que c'est les seuls, ouais. Parce qu'il y en a d'autres, mais bon. Généralement parlant, les animaux ne peuvent pas se permettre de gaspiller de l'énergie précieuse, l'énergie dont ils ont besoin pour chasser et se défendre. Les animaux sont souvent se blessent les animaux ont de la compétition, donc souvent ils vont se blesser, même vont se faire tuer en essayant de trouver quelqu'un avec qui s'accoupler. Voilà. Donc le processus d'accouplement est difficile et prend du temps. Donc la plupart des espèces regardent la reproduction comme un processus naturel et non pas une activité pour le plaisir. Est-ce que c'est clair? C'est quelque chose d'utilitaire pour eux. Il y a une forêt en Pologne qui est genre croche. Une forêt croche. C'est une forêt en Pologne qui contient 400 arbres qui sont des pins, des 400 pins, hein, qui poussent avec un genre d'angle de 90 degrés à la base de chaque tronc. Donc, si tu les regardes, là, visuellement, ça ressemble à des points d'interrogation à l'envers. OK. Puis, ils sont comme courbés en bas. Aujourd'hui, c'est toujours un mystère, mais les études récentes indiquent que ce pli-là est causé par une intervention mécanique humaine. Je pense qu'on peut se douter que c'est pas comme ça naturellement. Donc, les fermiers apparemment voulaient des arbres comme ça, qui avaient l'air de point d'interrogation à l'envers, mais personne ne sait pourquoi ils avaient besoin de ces arbres-là. Tout le monde est curieux, tout le monde aimerait savoir. Ces pins-là sont toujours là aujourd'hui, dans le village de Sarnowo, dans l'ouest de la Pologne. Intéressant. Quelques petits derniers. Une femme a fait une réplique de la peinture de Leonardo da Vinci. Tu connais la peinture The Last Supper? Tu sais où c'est genre chose, Jay-Z? Jay-Z? Jesus. Jesus Christ Superstar. C'est ça. Donc, Jesus Christ, Jay-Z, au milieu d'une table avec tous ses apôtres, là. C'est ça, apôtres? Voilà. Donc, Laura Bell du Michigan a passé 800 heures à faire du lavage pour créer assez de mousse de sécheuse. Et ça lui a pris 200 heures pour faire cette peinture-là avec de la mousse de sécheuse. Son tableau qui mesure 14 pieds de large par 4 pieds de haut. Perte de temps, toi. Elle a été obligée d'acheter des serviettes de la bonne couleur pour pouvoir faire la peinture qu'elle voulait faire. Et elle devait les laver et les sécher séparément parce que la mousse de laveuse n'était pas correcte. Les laveuses font de la mousse, oui, c'est ça. Et les sécheuses font de la mousse, mais c'est pas le même genre. Non, c'est pas le même genre. Ça ferait pas une aussi belle peinture, là, de laveuse. Ripley's Believe It or Not. Est-ce que tu connais Ripley's Believe It or Not? Non. C'est le monde merveilleux de Ripley. Le genre, il y en avait un certain. C'est des genres d'affaires incroyables, vous le croirez pas. Donc, ils ont acheté ça pour une somme qu'ils n'ont pas voulu donner, évidemment. C'est un peu honteux. Hein. Laura Bell a utilisé son argent pour faire quoi, tu crois? Une première affaire, c'est sûr que c'est ça. Je sais pas. Une nouvelle laveuse sécheuse. Pour en faire d'autres, mon Dieu. Et Colin. Mais moi, j'ai ma théorie. Je suis pas mal certain que c'est ma voisine d'en haut. Ouais, hein? Elle fait 7 lavages par jour en moyenne, dont le matin à 6h, le midi, et 4 à 5 le soir. Tous les jours, 7 jours sur 7, on la salue. Bonjour, ma voisine de Mahaha. T'as seulement deux peurs quand tu nais, François. Deux peurs. OK. Donc, quand tu nais, t'as peur de tomber. Et t'as peur des bruits. Ah. C'est dans ton ADN, on dit que ça passe de génération en génération. C'est un mécanisme de survie. La seule raison d'être de ces deux peurs-là, c'est de te garder en vie, évidemment, et de créer des émotions qui vont te motiver à éviter le danger. Ah, c'est bien. Et chaque autre peur de ta vie, ben, tu les apprends avec le temps. Je sais pas où ils ont trouvé ça. Et un dernier fait, voilà. Le papier de toilette qui a été inventé au 6e siècle, pendant le 6e siècle, par les Chinois. Un voyageur indien a écrit à cette époque, a écrit en général, et je cite, « Les Chinois ne font pas attention à la propreté. Ils ne se lavent pas avec de l'eau et tout ce qu'ils font, c'est s'essuyer avec du papier. » Ils trouvaient ça outrant, là, que tu te laves seulement avec du papier. Okay. Donc, au départ, seulement les empereurs avaient le droit de se laver avec du papier de toilette parce que c'était fait de papier qui avait beaucoup plus de valeur que le papier des temps modernes. Avant l'invention du papier de toilette, les gens transportaient une éponge dans un sac spécial. Un sac spécial qui était fait seulement pour ça, hein, espérons-le. Ou encore, ils utilisaient les bourrons de poterie, des pots cassés. Casser un pot, okay. Côté rond, ouais, ils faisaient le travail, c'est ça. Joseph Gaetti a amené le papier de toilette en Amérique dans les années 1920. Et Gaetti croyait que le papier de toilette était un besoin urgent. 1920, pas loin, ça? Non. 1920, pas loin du tout? Non. Peut-être dans le lac, peut-être quelque chose du genre, je sais pas. T'as peut-être moins besoin d'aller aux toilettes souvent. Tu t'en retenais plus. Peut-être. Enfin, bon fait sur lequel terminer, ça? Hein? Ouais. Le matin, même. On aime ça. C'est ça. Merci, Mathieu. Ça fait plaisir. Sûrement que les gens nous écoutent sur la toilette, pareil. Comment? À 7h30, les gens nous écoutent peut-être sur la toilette. Peut-être. Peut-être. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas. Faut pas présumer. Que... Non. Hey, on va pas juger les gens comme ça. Là. Faites donc ce que ça vous tente. Mais si vous voulez une radio dans la toilette, moi, je dis que ça serait très utile. Non? Non. Non. D'accord. on écoute un petit peu de Winter Gloves. Oui! Avant de recevoir Jasmine Raymond-Dreville et sa chronique linguistique sur la nouvelle orthographe, on écoute la pièce Let Me Drive. Ça te tente-tu? Ça me tente, t'as matin. Vroom, vroom, vroom. Vroom, vroom, vroom, vroom. We'll be right back. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89. Oh. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. François-Olivier, Mathieu Plante, assemblage requis en pièces détachées. Qu'est-ce qu'elle fait? Je sais pas. Elle a l'air mêlée. Elle essaye de démêler son fil. T'es pas dans ton fil. Mais là, ça va, là. C'est un beau matin. Oui. Ce matin, hein? Ça va bien? Parfait. Mathieu lui demande quel micro tu prends et elle regarde où ses écouteurs sont plugués. Ça a comme aucun lien du tout. Là. Mais tant mieux. C'est beau dans vos têtes? C'est beau dans ma face, surtout, je pense. Surtout? Dormi combien d'heures? Je sais pas, là. Hein? Okay. Tu savais tantôt, puis là, tu sais pas. Mais non, mais je sais pas comment j'en ai dormi. J'ai été couché 4 heures, mettons. Je sais pas combien j'en ai dormi. La tête t'a tourné pendant 1h30, puis après ça. Ouais. C'est ça. Grosse soirée hier. C'est la chronique, même non? Même pas si pire. Mais non, j'essayais de faire des travaux. Ben, j'avais un vin et fromage, tu sais, puis ouais. C'était pas si pire. Parce que j'avais des travaux à faire après. OK, puis une préparation de chronique, j'espère. Oui. Oui? Oui. On sait. Qu'est-ce que ça veut dire? Non. OK. Est-ce qu'on a on commence la chronique, C'est la chronique linguistique de Jasmine. Jasmine a parlé de langue, mais avec sa langue dans sa bouche. Bon. T'es faite, hein, t'aurais pas dû faire ça. Moi, je l'avais averti. Ouais, c'est comme ça. Un peu en retard. Mais quelqu'un qui se réveille avec ça, tu sais, comme cadran, il fait vraiment le saut, là. Ouais. Surtout après ça, avec moi, qui parle de nouvelle orthographe. Bon ça matin. Va être passionnant. Bon matin. Bon ouais. matin. Donc, Jasmine Raymond-Réville, la chronique à Jasmine, de Jasmine. Placez le mot que vous voulez ici de façon appropriée. Est-ce que c'est, est-ce qu'on dit la chronique de Jasmine ou à Jasmine? Faudrait dire de Jasmine. Ouais. C'est ça. Mais sur le, ça, c'était de l'improvisation musicale. Et l'improvisation, c'est comme l'humour, ça ne s'explique pas. Ou c'est comme l'art. Oui, c'est ça. Faut pas poser de questions sur l'art. Hein? On pourrait juste pas mettre de mots aussi. Tu voudrais que j'enlève ton thème, c'est la ça? La chronique Jasmine. Il y en a pas question. Mais... Non. Ma chronique. Vrai? Mon émission. Son émission? Non. Notre non, émission, mais oui. Mais Salut, moi c'est François-Olivier. T'as un chocolat chaud. Ouais, je l'ai pas bu encore. Pourquoi tu mets pas... Il devrait mettre des guimauves dedans, c'est bon les guimauves. Oh. Ça ferait une grosse boîte parce que ça prend vraiment beaucoup de temps de boire. J'avoue. Ça fondrait, ça ferait comme une grosse flaque dégueu. Hé, hey, laissez mon chocolat chaud tranquille le matin. Je pensais pas qu'on l'insulterait autant. Il est chaud un peu. Il est chaud un petit peu. Ouais. Il est tiède. Donc, Jasmine Raymond-Réville, c'est la chronique linguistique et tu démarres une nouvelle série là, grandiose sur la nouvelle orthographe. Orthographe avec un F sûrement qui part là-dedans. Non, même pas. Non, il y aurait pu. Il y aurait pu. Moi, je trouve ça mêlant. Oui. Moi, je vois pas pourquoi on change ça quand on l'a appris comme ça. Mais, tu sais. Oh, mais attends. Wow. Relax. Mais. Non, mais tout le monde dit genre on l'a appris comme ça, mais c'est pas vrai parce qu'il y a plein de gens qui, ouais, ben, qui l'ont pas appris. Qui ont l'air de pas l'avoir appris, en tout cas, quand on lit ce qu'ils écrivent. Mais c'est normal que la langue évolue, tu sais. Oui. Mais naturellement, peut-être. Je comprends pas comment ça doit être des gens. Tu peux gens, pas revenir en arrière. Non, c'est des gens qui ont décidé ces nouvelles règles-là. Comment ils sont arrivés à ça, tu sais. Bon, ils se pensent bons en français. Tu sais. C'est ça qu'on a de la misère, je pense. Ouais, non, c'est pas vrai. Je t'ai occupé à y faire des yeux méchants, là. Non, mais c'est pas vrai, en fait. Mais tu sais, je comprends pas, en fait, le pourquoi on change ça, mais bon, mais c'est j'imagine pour que tu c'est pour plein de règles, puis c'est pour... Il y a des choses qui ont pas de sens, puis essayer de faire qu'il y ait au moins un petit peu de sens. Ben oui, comme il y a des trucs qu'on prononce d'une certaine manière, puis on l'écrit d'une comme autre quoi? Manière. Mais le fameux mot « événement », est-ce que tu dis un événement ou un événement? Toi, t'es bizarre, fait que sûrement tu vas dire un événement, là, juste pour... Moi, non, mais un événement, événement. Et ouais. Pourquoi on l'écrivait EV avec deux E accent aigu? Pourquoi ça pas? Rapport, là? Ouais. Je sais pas. Mais moi, je prononce comme ça. Moi, je marquais happening. Ça sonnait mieux. Party. C'est sûr que t'as dû passer tous tes cours de français. Hey, j'ai passé mon épreuve uniforme au CFA. Station. Ouais, merci. Après combien de tentatives? Une. Ah, oh, quand même. Oh, c'est surprenant. Ouais. Ah. Ils l'ont simplifié. Il est plein de surprises. Ouais, il est coquin comme ça. Oh, merci. C'est ça, donc c'est vraiment pour uniformiser certaines règles pour... J'avais un autre mot, là. Attends un petit peu. Que uniformiser? Mais attends... Ouais, mais c'est... Oui, mais continue de chercher. C'est pour mettre de la cohérence aussi dans certaines règles, parce que... Mais à part événement. OK, celui-là, peut-être j'étais d'accord, mais oignon, pourquoi tu changes ça? Est-ce que tu prononces oignon ou oignon? Oignon. Ben c'est ça. Pourquoi il y a un i? Pourquoi on c'est GN d'abord? Parce que c'est quoi? C'est pas, tu sais, O-N-I-N, mettons, N-I-O-N. Parce que toi, t'es bizarre puis tu prononces oignon. Oignon, ben oui. Moi, je dis un oignon, comme dans, tu sais, GN, là, comme dans un oignon. Ouais, mais pourquoi ils ont pas le Non, mais tu sais, ils changent pas ça quand je l'ai appris au i, tu sais. Ben non, mais je peux pas dire pourquoi ils l'ont traîné, parce que c'est comme ça, mais eux, justement, ils étaient tannés de ça, fait qu'ils ont. C'est que ça aurait dû changer avant, selon toi, mettons. Ben, ça aurait jamais dû être comme ça, à la base. Personne pour dire ça, mais. Ben c'est qui l'épée qui a décidé cette règle-là que ça allait s'écrire O-I-G-N-O-N? Ouais, c'est ça. Oui, mais c'est parce que c'est toute l'évolution du français. Là. Je voulais pas un cours sur l'histoire de la langue française au complet. Je pourrais un moment donné... Dans une future chronique, je pourrais comme vous parler un peu de l'évolution de... Mais pas sûr qu'il y en ait d'autres. Tu parlais d'événements tantôt. Revenons à événements. Tu m'avais raconté une anecdote absolument fascinante sur le mot événement. Là, je peux la comprendre, celle-là, parce que c'était une erreur d'impression. Explique-moi ça. Mais j'ai essayé d'aller rechercher ce matin beaucoup trop de bonheur, tu sais, l'origine de tout ça. Mais moi, ce qu'on m'avait raconté dans une conférence que j'avais eue à l'université ici, puis que la dame aussi avait été parlée, je pense, à LCN, là, je sais plus trop quelle émission, là, de quoi de même. Ça, c'est avec Denis Lévesque? Non, mais là. En tout cas, c'était-tu Denis Lévesque? Ben sûrement François Paradis? François Paradis n'est pas LCN, il est à TVA. Ouais, il n'y a pas une reprise, il y a sûrement une reprise. Il y a des reprises de toutes les fois. Il y a Jean-Luc à LCN. Mais je ne sais plus c'était qui, mais en tout cas, c'était un frustré, là, justement, qui était vraiment trop contre la nouvelle orthographe. Ouais. Cette personne-là avait été un peu... Ah, il y a des limites de temps, tu sais, militer contre la nouvelle orthographe, je ne penserais pas que j'irais jusque-là. T'sais, on peut ne pas être d'accord sur certaines affaires, mais là, à un moment donné, être complètement contre. Faut être ouvert d'esprit un peu quand même. Mais bref, le mot événement, à l'origine, c'était. Il y a juste eu comme une espèce de pénurie d'accent grave. Fait qu'ils ont mis un accent aigu en se disant il n'y a personne qui va s'en rendre compte. Là, on parle dans les presses d'impression pour imprimer les dictionnaires, parce qu'il fallait qu'ils écrivent les caractères ligne par ligne. Puis ils se sont dit les gens, ils verront pas la différence. Personne ne va s'en rendre compte. On en parle encore 100 ans plus tard. Là. Ouais. Fait qu'on est tanné, on a changé ça. Ouais, mais là, si je marque oignon ou i, j'ai pas l'erreur. Là. Non, y a personne qui peut être pénalisé. Donc, tu peux écrire comme tu veux. Voyons donc. Ben oui. Entre les différentes façons acceptées, bon. Hein? Mais je vous dis, achetez-vous un bon dictionnaire. Hein? Achetez-vous un Robert. Puis j'ai regardé justement 2011? 2010? À partir de 2010, il y en a beaucoup là, qui ont changé. Qui ont changé. Mais tu sais, c'est comme... Souvent, les deux graphies vont être écrites là, dans les dictionnaires. Pour l'instant, c'est ça. Mais éventuellement, ça va finir par disparaître. Quand ça va être intégré, mais c'est pas l'année prochaine. Non. C'est pas l'année prochaine. Les gens vont oublier que ça s'écrivait autrement avant. Comment? Quand on va être mort? Ben, quand les générations vont finir par changer, ben oui, c'est ça. Oui. Le cycle de la vie. C'est ça. L'histoire de la vie. Non, s'il te plaît. Il chante mal. Dis-moi quelque chose que je sais pas, François. Jasmine, chante-moi le cercle de la vie. Ben pas matin, s'il vous plaît. Non. Je peux vous chanter Barbies encore, mais Barbies, reste bargain. Non, je l'ai fait trois fois la semaine passée. C'était assez, hein? Ça suffit. Les gens veulent pas se réveiller avec le doux son de ma voix un peu. Décide pas ce que les gens veulent. Les gens sont capables de faire leur propre opinion. Je le sens. Ouais. Je sais que les gens veulent les commentaires haineux sur ta boîte courriel. C'est sûr que je vais recevoir des menaces de mort par la poste. Ouais. Voilà. OK. Je commence. Allons-y. J'ai juste... Il y a quand même beaucoup de règles. Mais en fait, il y a plusieurs catégories de règles qui contiennent des mini-règles. Les sous-règles. Des réglettes. Des réglettes. Voilà. Des petites réglettes. Des réglisses. Réglisses? En as-tu? Non. Des Twizzlers? Non. Ça serait cool. Ah, il est 7h42. Jamais trop tôt. Jamais trop tôt pour des bonbons. Je commençais à me connaître. Voilà, j'ai pas venu mes dinos ce matin. Pas de petit jujube en dinosaure qui goûte à rien. Une chance. OK, pour commencer... La chronique n'est pas encore commencée, juste pour ceux qui ça fait comme 10 minutes qu'ils écoutent puis que c'est pas mal une introduction. Arrête, je répondais à vos questions sur la nouvelle orthographe, à vos inquiétudes et angoisses. Excuse-moi. Insultes. Voilà. On va pas insulter personne. Non. Nous commençons donc avec les règles de catégorie A. Catégorie A. Qui comprennent le trait d'union et la soudure. La soudure. C'est quand on enlève un trait d'union pour souder deux mots. Ou c'est toi hier, soudure, non? Non, c'est vrai. J'ai pris mon auto, puis je suis vraiment responsable. C'est pas si pire. Okay. Ça allait bien. Voilà. Donc, règle A1. Le trait d'union est remplacé par la soudure dans les mots composés avec les préfixes ou prépositions contre et entre. Donc, entre-temps, un contre-temps. Entre amis. Donc, à la place d'écrire contre-temps avec un trait d'union, c'est l'écrit d'un mot. Oui. D'accord. C'est ça. Puis. Ça a du sens. Oui. Exemple, une contre-attaque, ça va être C-O-N-T-R-A-T-T-A-Q. Ah, ça, c'est bizarre, par contre. Ben non. t'enlèves la lettre. C'est pour contrer l'attaque. Oui, mais justement, avec toutes ces nouvelles règles-là, au lieu d'essayer de comprendre le mot, comment ils fonctionnent, avec lettres. Quoi, ben on fait juste toutes des noms c'est communs ça, avec c'est comme ça. Twitter, puis des affaires, tu sais, Flickr, t'enlèves les voyelles, puis des affaires. On chope sur plus court. Sérieusement, le français, c'est vraiment compliqué, puis c'est plein d'exceptions. Oui, inventé par des gens qui avaient du temps à perdre là, des années. Ouais, non, mais c'est pas... Non, mais le français n'a pas été inventé, là, c'est juste comme... Non, mais les règles des verbes et des... En tout cas, bref. Voilà. Voilà. Donc, c'est la première règle. Contre-attaque, donc, pas de contre-attaque, E au milieu. C'est ça, pas de E au milieu. Contre-espionnage, ben, il n'y a pas de E, on en enlève un, évidemment, là, parce que sinon, ça fait trop de E dans le mot. Contre-offensive, s'entraîner. S'entraîner. Nous entraînons, okay. Là, c'est tout dans un mot. Ouais. E-N-T-R-A-I-M-E-R. Vous savez, j'ai pas entendu ça, souvent. Mettons, tu sors entre amis, tu sais, et puis tu t'erras. Hein? Est-ce que c'est une vraie question? Oui. Non, non, tu me demandes un mot. Ouais. Parce que c'est pas un... C'est pas un nom commun. Ça, c'est tout des noms communs, dans le fond. Ouais. Tu sais, quelqu'un qui s'entraîne? Parce que okay. Ça, c'est un entre de ton N. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est là que ça s'entraîne. Ça, c'est de là que ça vient. C'est de là que ça vient, voilà. Règle A2. A2. Le tradignon. Hey, il y en a gros qui prononcent... Le tradignon. Le oui, oui. Matin, là, hein? Le ça, c'est la nouvelle orthographe. Le tradignon est remplacé par la soudure dans les composés de extra, infra, intra, ultra. Tout ce qui est extra, tradignon. Extracurriculaire, mettons, une activité extracurriculaire. J'ai pas ce mot-là, probablement, ouais. Là, en fait. Extraterrestre? Oui. Extraterrestre, oui. Extraordinaire a toujours été dans un mot, mais une intraveineuse, un ultraviolet, ouais. Tout ça, c'est dans deux un mots. Mot. Hein? C'est dans un mot. On enlève le tradignon. Ouais. OK, OK. On extra, enlève. On enlève, là. On enlève. Extra, intra, ultra... On enlève. Véra, on enlève. Mettons que tu dis extra rafraîche à laine. Rafraîche à la gomme. C'est Excel. Excel, c'est ça. C'est Excel. Ah, ça a plus de sens, hein. OK. Si ça avait été extra, ça aurait été un seul Bouh, mot. Bouh, mauvaise question. Bouh. Mais là, on enlève. Donc, extraterrestre, c'est un mot. Oui. OK. Oui. Bon. Voilà. Merci. Prends des notes, là. Prends des notes. Puis, évidemment, toutes ces règles-là, vu que ça devient des noms communs qui sont un seul mot, finalement, ça prend la règle du pluriel d'un nom ordinaire comme... S. Comme un S à la fin. N'importe quoi, c'est juste un S à la fin. Ben, les gens qui la connaissent pas, cette règle-là. Non, les S, c'est pas facile. Oh, oh, oh. C'est vraiment pas facile, les S. C'est une lettre difficile à écrire et à taper à l'ordinateur. Ben, c'est ça, c'est parce que c'est comme, faut que tu tournes ton crayon une fois, tu retournes l'autre bord, là, c'est comme beaucoup de mouvements. Mais comme il y a plus personne qui écrit avec un crayon, vrai. On tape tout à l'ordi, et loin la touche. C'est vrai qu'il est loin. Le S, il est compliqué à gauche, trouver. Ouais. À côté du caps lock, qui se sert du caps lock? On l'accroche tout le temps. Il sert à rien. À on rien. Choisit vraiment. Mais il y a vraiment des de gens qui, à chaque fois qu'ils tapent une majuscule, font caps lock, majuscule, ils enlèvent la caps lock. Je te jure, j'ai vu du monde quelle taper. Quelle dépense inutile d'énergie. Ridicule. Quelle dépense d'énergie. Combien de calories pour ça, tantôt? 60 à 70, ouais. Juste pour mettre un caps lock? Oui, à peu près. Ah, parfait. Pendant une heure, faut que tu fasses on off, on off, on off. Ouais. Mm. Bof, hein? Bof, hein? On fait pas ça. En trois, c'est ça? En trois. En trois. Oui, pas je toi. Suivais. Oui, merci. Un peu trop. Pas tout le monde qui me suit. Le trait d'union est remplacé par la soudure dans les composés d'éléments savants, en particulier en eau. Quand on dit éléments savants, ça va être... François Olivier, mettons. Ou pas du tout. Non. Non, je comprends pas. Moi non plus, en fait. Je vais vous ça va niaiseux, là, mais... Je vais vous expliquer. Moi non plus, je comprenais pas. Tout ce qui est dans le fond, ben tout. Il doit y avoir des exceptions, mais en général, ça va être des préfixes d'origine grecque. Mettons agro, astro. Agroalimentaire. C'est ça. Ouais. Bien. Voilà. Ouais. Donc, c'est pas un petit doigt, justement. C'est ça. Donc, ouais. On enlève... Hey, vous feriez une belle équipe. De petits doigts? Mais non, mais vous parlez en même temps. C'est beau. Ça tient, hein? Mais non. Avant, on se coupait tout le temps. L'instant, on disait même affaire en même temps. Ouais. Quelle chimie. Ouais. Hein? Bon. Donc, on enlève les traits d'union. Agroalimentaire, dans un mot. Tous les noms de nuages aussi, ça va fonctionner avec ça. Cumulonimbus. Non, mais c'est pas compliqué, au contraire. Non, c'est plus simple comme ça. Mais en fait, je pense que la plupart des gens, de toute façon, en mettaient pas de traits d'union parce qu'ils savaient pas qu'il fallait en mettre. Maintenant, mais ils sont juste. Mais c'est ça, fait que c'est pas compliqué. Non, mais le mettre en deux mots, mais là, ça devient juste un mot. Oui. Ouais. Ah, je trouve ça compliqué. C'était pas en deux mots. Ben, moi, quand je l'ai appris. Cumulonimbus, si tu mettais pas de trait d'union, tu mettais ça en deux mots. Tu penses, là. T'avais pas une bonne. T'avais pas une bonne réponse. Moi, je le mettais juste en un mot. Comme, mettons, tu sais, mettons le mot co-animé, tu sais, je sais jamais, faut-tu mettre un trait d'union, faut-tu pas en mettre, je sais jamais ça. Non, je pense pas. Je pense que non. Tape ça dans Word, pis si tu te demandes de corriger. Mais c'est pas tous les traitements de texte non plus qui ont intégré la nouvelle orthographe non. Encore. C'est ça, puis en ça s'en vient. C'est pas qu'il l'a non les plus. Dictionnaires aussi, c'est pas encore tous les dictionnaires qui ont, mettons, les deux graphies d'un mot. Mais comment ils font pour différencier, je veux dire, les deux graphies? Ils te proposent les deux quand tu écris un mot? Oui, tu choisis, tu sais. C'est niaiseux. Mais c'est pas niaiseux. Ben non, mais c'est parce que tu peux pas. tu peux pas comme amener un gros changement comme ça tout d'un coup, je pense, à tout le monde. Fait que d'offrir les deux, ça fait une espèce de période de transition. Tu sais, moi, événement, je l'ai toujours écrit événement. J'ai jamais écrit événement. T'avais tout le temps une faute? Hey, ça, c'est un mot qu'on écrit souvent, hein? Mais non, mais là, composition écrite de secondaire à deux, là. Ouais. C'est ça. Parce que, dans le fond, Mais t'avais une faute? Non, parce que les deux étaient dans le dictionnaire depuis longtemps, quand même. Quand ils se sont rendus compte de l'erreur, ils ont mis les deux dedans, c'est ça? Oui, mais ça. En fait. Donc là, c'est des vieilles affaires que tu nous parles. Ça part de 1990, là. C'est pas. Ça date pas de 2005, okay, là. Okay. C'est une nouvelle règle-là. Parce que Denis Lévesque en a parlé quand même récemment. Oh, mais c'est TVA, c'est en retard, ça. C'est mon préf, moi, lui. Ouais. Voilà. Donc. Apparemment, qu'il y a un phénomène d'intimidation en ce moment. Apparemment. Je sais pas. Pas entendu. Il doit être fâché. Ça vient de commencer. Il doit tellement être fâché, Denis. Mm-hmm. Je l'ai pas écouté, il a encore parlé de ça. Hein? A4. Merci. Ça fait plaisir. Il suit plus que moi. Le trait d'union est remplacé. Oh, là, on a un A4-1. Oh, Colin! C'est comme des sous-sous-règles, mini-règles, bébé-règles. A4, alpha, bêta, tu sais? Theta, gamma, tout ça. C'est ça. Hein, l'alphabet grec, on le connaît. Oh, pas dans l'ordre, mais on le connaît. Personne ne sait dans quel ordre ça va. OK, le trait d'union est remplacé par la soudure A4.1 dans les mots composés à partir d'onomatopées. Ou similaires. Des pow! Guili-guili, n'importe quoi. Guili-guili! Quand tu chutes quelqu'un. Oui. Un blabla. Oui. Ça devient en un mot. Shabada. Blabla, guili-guili. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Tout d'un mot? Oui. Pas tic-tac. Pas rien. Tic-tac. Un mot. Tic-tac-tac. Tic-tac Ranger du reste. Parce que c'est des mots qu'on utilise quand même souvent puis qui pour nous, c'est rendu. T'écris pas ça dans. Non, mais par exemple, une production écrite. J'ai déjà entendu quelqu'un dire, je sais pas, le tic-tac d'une horloge. Ben oui. C'est comme on le considère comme un nom commun. Non, non. Moi, je marquais comme le son de l'horloge. Oh. Il est tellement fancy. Ouais. Mettons que t'avais à retranscrire l'introduction d'émission. Ça fait comme tic-tac, tic-tac, gars qui se tape le pied sur un. T'sais. Oh! Ça, c'est tout en un mot, gars qui se tape le pied sur un. C'est ça. C'est un bon, mais il reste au bagré. OK. Continue. Ah, 5? Je suis vite. J'aurais jamais dû chanter ça. Non, ah, 5? Non, on n'a pas fini A4.2. Teta gamma. Donc, on reprend le A4. Le trait d'union est remplacé par la soudure dans des mots d'origine étrangère bien implantés dans l'usage. Des sports, basketball, baseball ou baseball. Moi, j'aime bien dire baseball. Baseball. Baseball, c'est plus drôle. Donc, baseball, water. Pas de trait d'union, rien. Non. Pas de trait d'union, c'est fini. Mais j'avoue que ça, là, ça m'a impressionné. Moi, quand on m'a dit aux zones campus qu'il fallait mettre un trait d'union, mettons dans le basketball, dans le temps, à cause de la règle, j'étais comme, wesh! Pourquoi? C'est maintenant, dans la nouvelle orthographe, on peut. Ne pas, en fait, mais la nouvelle orthographe recommande de ne pas mettre de trait d'union. J'aime ça. Mais ce ne sera pas encore une erreur. Ben, ça ne sera jamais une erreur. Ça peut-être, va peut-être qu'un jour, ça va en devenir une. Les gens vont avoir oublié que ça a déjà existé, la règle qu'on pouvait mettre un trait d'union. Dans 100 ans, là, ils s'en rappelleront plus. Là, peut-être. Probablement. Peut-être. Lui, il ne voit pas au futur bébé d'éloigné. La semaine prochaine, ça va être encore ça. Hein? Ça va être encore ça la semaine prochaine. Non, attends, hein? Que je le marque. Sors de ma cour. La semaine prochaine, il va me revenir en me demandant si la règle a changé. Ouais, c'est sûr. Donc, j'ai regardé puis, Jasmine, tes règles, tu sais, non? Ou pas. Ou pas. Ou pas. J'ai regardé dans le dictionnaire aussi ce matin pour être certaine de tout ça, là. Voir ça va changer de non, mais pas que je dois. Mon dictionnaire, moi, il change tout seul. Il est comme c'est Harry Potter, le dictionnaire. C'est ça. Ouais. Je suis Harry Potter. Un dictionary. C'est moi. J'ai juste l'inventé. Je comprends pas. Dictionary Potter. En anglais, c'est dictionary. Donc, j'ai regardé dans le dictionnaire et, par exemple, volleyball, on considère les deux. C'est quoi ce choix de mots-là? On recommande, pas on recommande, on donne le choix des deux. Parle au même âge! Non, mais tout, tout, non? Tout, mais non, mais il y a certains mots qui sont pas touchés non plus là, par la nouvelle orthographe. Comme baseball? Ça s'est jamais écrit baseball? Il y en a qui l'écrivent en deux mots. Non. Officiellement, ça devait être écrit en deux mots. Non. Probablement avant. Elle dit. Fait des années 20. Non. Ton couteau en plastique va pas tellement. Non, pour crever un œil facilement. Tantôt, vous parlez de couteau de cuisine, là, tu veux quelqu'un avec un couteau de cuisine? Ouais. Couteau de plastique? Non, on a-tu parlé de ça? Des petites dents. Oh. Vous avez parlé de ça, je vous écoutais. T'en connais que c'est un fait tantôt, je vous écoutais. Est-ce que t'écoutais, toi? Je sais pas. J'étais dehors, j'attends. François, il est plus sur son ordi pendant que je fais la chronique, ça l'intéresse pas tant que ça. Bon, ça m'intéresse. Ah, arrête. Donc, un cow-boy, harakiri, un lockout, n'importe quoi qui est. Lockout d'un mot? Oui. Ben, voyons. Tiens, regarde, lis-le. Mais tu sais, parce que non, mais pourquoi ça a déjà été en deux mots? Ça a toujours été en un mot en anglais depuis un mot du bout, là. Comment ça qu'en français, c'est comme bah, nous autres, ça va être en deux mots? Ça, je peux ça pas ça a aucun sens, cette affaire. Je sais pas, puis je voudrais pas dire n'importe quoi. C'est des habits cravates autour d'une table qui ont dit ah, on met des traditions, ça fait beau. Peut-être. Oui. Puis il y a d'autres habits cravates qui ont dit ah, ça on enlève. Pas. Finalement, ça on enlève. Ça va être les modes, hein. C'est comme il aurait pu être rose et mauve au début des années 90, mettons ces mots-là. Parce que c'était bien à la mode. ses armoires de cuisine. Oh, t'es pas là dans ce temps-là, toi, je pense. J'étais vraiment pas là. OK. Vas-y. A5. Le trait d'union est remplacé par la soudure dans plusieurs composés avec basse, bien, haut, haute, mal, mille et quelques autres composés bien ciblés. Mille pattes. Un mot? Oui. Mille pattes en un mot. Donc là, on a pu à se poser la question, est-ce qu'on met un S à mille? Mais non. Ah, je comprends. Mille pattes. Ça a vraiment du sens, ça, pour les pluriels, surtout. Ouais. Mais c'est qu'au lieu de se dire... Mais tous les chiffres, c'est le même, non? C'est, mettons, les chiffres s'en viennent. J'ai une autre tête pour les chiffres. 22... Je vais vous en parler dans 5 minutes, sauf si vous parlez vraiment beaucoup. Ça date, c'est pas mal ça. Donc, par exemple, un... Dépêche-toi, là, je veux pas te voir empiéter sur le temps de... Les Myriam? Ouais. C'est ta préférée. Ouais. Parfait. Donc, par exemple, un tire-bouchon. Tu sais, avant, on se disait, ben là, ça tire des bouchons. Fait que là, on met-tu un S, on met-tu... Tu t'es jamais demandé ça? Jamais. OK. Moi, je me l'ai demandé. On a toute une vie. Donc, ben, au lieu d'essayer de comprendre l'origine du mot, ben, on met ça comme un nom commun. Ça a bien l'air. Tire-bouchon tout en un mot. Mais tu sais, si tu sais pas l'écrire, il y a d'autres mots pour le dire. Oh, c'est quoi? Tu vas dire quoi, là? Tu vas dire ben, un déboucheur de bouteilles de vin. Et puis en plus, ça te rajoute des mots. Mais mettons un porc, là, qui a une queue en tire-bouchon. Un porc? Un cochon. Ouais. Elle a une queue en tire-bouchon. Ouais, ouais. Tu pourrais dire... Tordu, comme un tortillon de fromage? Non, comme un ressort. Bon. Jasmine? J'ai un autre exemple encore mieux. Vas-y. Pour que vous compreniez... Oh, on comprend. Non, pour que vous aimiez... Non, mais pour que vous aimiez plus ça. Par exemple, un porte-monnaie, avant, c'était dans deux mots. Ben, dans l'orthographe normale, là, si on veut, c'était en deux mots. Porte, trédition, monnaie. Mais un portefeuille, ça s'écrit en un mot. Donc, ça ajoute de la cohérence à tout ça. C'est le mot entre dans la lignée de portefeuille. Donc, porte-monnaie devient... Mettons, dans portefeuille, tu prononces... vraiment beaucoup mieux ça. Dans portefeuille, tu prononces le E, mais dans porte-monnaie, tu le mets pas. Parce que tu mets quand même le E. Mais c'est un E muet, comme dans plein d'autres mots. Ça, ils l'ont pas enlevé, ça? C'est tant qu'il a chopé des affaires. C'est ça. Tant qu'il a tout enlevé. Hein. Chope plein d'affaires, moi. Enlève les lettres qu'on utilise jamais. Enlève-moi les Z, les Y. On enlève tous les mots. On parle en langage. Pourquoi pas? C'est fini. On arrête de parler. En mime, à raison. Mais sinon, y a-tu, mettons, des mots à part oignon que là, je peux comprendre qu'on dit pas oignon? Ça, c'est dans une autre règle, par exemple. Okay. T'es mêlé. Mais c'est quoi ta question? Non, mais y a-tu des mots où, toi, d'après toi, ça, ça a comme plus ou moins de sens? Genre que tu dis pourquoi que ça change parce que j'aimais donc ça avant, c'était donc beau, tu sais. Mais comme, c'était quoi donc? Pas éléphant? Non? Éléphant avec un F, ça se peut-tu? C'est un uniforme avec un F. Uniforme. Mais tu vois, c'est ça qui me dérange pas. Mais le mot fort, lui, c'est PH. Fait que si tu sais, c'est PH aussi. Mais je vous en parlerai la semaine prochaine de cette règle-là parce que j'en ai vraiment beaucoup. Okay. Fait que je vais essayer de me concentrer dans une affaire vu que c'est quand même déjà assez compliqué comme ça, je pense. Oh, c'est ça, salut. Il en reste pas trop, j'espère. On arrête de parler parce que ton temps file. OK. Le trait d'union est remplacé par la soudure dans les composés formés d'un verbe et du mot tout. Mange tout, essuie tout. Brise tout, je connais pas ce mot-là. Là. Non, mais logique quand même. Voilà. Donc, fourre tout, tout ça. C'est tout dans un mot. Grosse tout. Si tu veux. OK. Si tu veux. Grosse tout. Tout est OUT. On s'entend-tu là-dessus? Ouais. OK. Parfait. Pas TOUX, tux. Une tux. Tux. Ils ont changé ça? Non. Ah, quand même. Wow. Non, mais je sais pas, écoute. OK, prochaine fois, je fais une blague, fais juste pas de référence, continue. Ça rien n'était. Okay. Parfait. Le trait d'union est remplacé par la soudure pour une dernière fois dans les numéros composés. 22? Non, excusez, attends, je me suis mêlé de règles, c'est pas ça pendant tout. Cool. J'ai comme, je pensais que c'était un A4 point quelque chose. Non, c'est A6, excusez-moi. Okay. Les numéros composés sont systématiquement reliés par des traits d'union. Tout le temps maintenant, il n'y a plus là, de en bas de telle affaire, c'est avant, ça. Avant, c'était en bas de 100, tu mets un trait d'union. Mais on a ça, t'en mets pas. À ce temps, il y en a partout. Fait que si tu dis. Attends un peu, il y en a partout. Donc, je dis 2386. Partout. T'en mets partout. Sérieux? Partout autour, en plein logique. Milieu, t'en mets partout. Ça va simplifier. C'est bien moins tout le monde. Compliqué. Mais partout, hein, ça, à la limite, c'est correct. Oui. En tant que c'est partout pareil, c'est ça. Mais tu sais. Non, c'est correct. Je sais pas, mais tu sais, si on dit 21. Tu sais, il y a un E. Il y en avait déjà. Ouais, parce que c'était en bas de ça. Il y en avait déjà. OK. Il y en a encore. Bon. Ça n'a pas changé. Bon. C'est pas comme l'inverse d'avant, là. OK. Parfait. Jasmine. Est-ce qu'il en reste. Oui, vas-y. Reste 2 minutes. Eh, petite règle. C'est pour. Toi, ça bouge. OK. C'est ton livre que tu fais à ton merci. C'est amovible, un livre. Movible. Bougeable. Le singulier et le pluriel. Les règles de catégorie B. Donc, mettre un S. Mais des S partout. Non. Dans les noms composés avec trait d'union, la marque du pluriel est toujours présente sur le second élément, uniquement si le mot est au pluriel lorsque le composé est formé à l'origine d'une forme verbale est un ça, c'est l'ancienne, ça, là, j'espère. Hey, ça a bien du sens. N'importe quoi. Ça a bien du sens. Moi, j'aime bien ça. C'est la nouvelle. Tout le monde la comprend. Ça, là, sérieusement, mot à mot, les gens ont décidé ça, puis ils sont arrivés au consensus de non, mais ça. Je vous explique là, la règle. Ouais. Si vous la lisez, c'est compliqué, là, à radio, parce que vous ne l'avez pas dans la face. Moi, je suis quand ça prend deux lignes dans ton livre, ça peut pas être simple. T'sais. Trois lignes. Deux et demi. Mais, tu sais, moi, je suis visuelle, fait quand je regarde, ça fait du sens pour moi. Donc, c'est ça. Dans le fond, si on prend un mot qui est composé d'un verbe et d'un nom commun, brise-glace, n'importe quoi de même. Mettons, annoncer avec juste un exemple. Brise-glace. Oui, OK, d'accord. Brise, verbe, glace, nom commun. Juste glace qui va prendre un S. Il y a juste glace. C'est juste le second élément d'un mot qui est composé par un verbe et un nom commun. OK, et la suite de la phrase disait sauf ou à l'exception de, non? Tu veux-tu que je la relise? S'il te plaît. OK. Tout ça juste pour dire ça? Ouais, parce que me semble que c'est donc bien niaiseux. Ouais. Je vais la relire, ça va faire plus de sens. OK, vas-y. Okay, je la relis. Dans les noms composés avec trait d'union, brise-glace, un trait d'union, la marque du pluriel est toujours présente sur le second élément. Deuxième élément, oui, OK. Uniquement si le mot est au pluriel. Uniquement si le mot est au pluriel, oui. Okay. Évidemment. Sinon, il n'y a pas de S, parfait. Lorsque le composé est formé à l'origine d'une forme verbale et d'un nom commun. C'est ce bout d'une là, faute que... verbale. D'une forme verbale. Ah, d'une forme, forme verbale. Forme. Mais en quoi, qu'est-ce qui est une forme verbale? On comme s'embarque le, comme, sur un sujet non, d'une comme dans brise-glace, brise, ça vient d'un verbe, là. C'est okay, pas un nom commun, brise. Okay, ben à part la brise, le vent. Quand brise, tu dis forme, c'est un verbe. Forme verbale, verbe. Forme verbale, c'est un verbe. On comprend ça, oui. OK, ben oui. Là, lâchons le sujet. Hey, avant, quand même. Avant, on se disait... on se disait pour savoir tout. Moi, ouais, avant... Bon, il y a Myriam qui vient d'entrer puis qui comprend pas trop de quoi on parle. Elle va rehausser le niveau de compréhension, le quotient de son équipe. De son équipe. Ça veut dire qu'elle est en bas. Ramenons ça sur la piste. L'exemple est plus facile, brise-glace. Moi, je m'étais toujours demandé comment on l'accordait. Oui. est-ce qu'il brise la glace? Est-ce qu'il brise les glaces? Des brise-glaces? Qu'est-ce qu'on met des S? On amène la glace. Sur le deuxième mot, parfait. Un brise-glace, pas de S, des brise-glaces avec un S. Sujet clos, merci. Facile le même. Ben, OK. François, tu as une interrogation? Est-ce qu'il y a un autre sujet dans ta chronique à la place? C'est tout? Hey! Non, parce que je veux pas qu'on s'attarde trop longtemps sur la même règle. Okay. Je trouve que c'est long, là. OK, parfait. Donc, non, mais pas ta chronique, les questions. OK, ça va. Une autre. Dans les noms composés avec trait d'union, la marque du pluriel est toujours présente sur le second... c'est le même début que tantôt, là. Sur le second élément. C'est la même fin, ou... si le mot est au pluriel, lorsque le composé est formé à l'origine d'une préposition et d'un nom commun. Un après-midi, un avant-midi, tout ça. Okay. Il y a juste le deuxième mot encore là qui prend... OK, on comprend une préposition, c'est quoi? Midi. Midi-S. Midi-S. That's it. Midi-S. Puis après, il y a déjà un S, fait que t'en mets pas un deuxième. C'est pas un règle que tantôt? Ah, parce que c'est pas un verbe avant. Non, mais exemple, dès avant-midi. A, V, A, N, T, trait d'union, midi avec un S. Parfait. Facile le même. Préposition, c'est avant, simple. Après, tout ça. Facile le même. Okay. C'est bidou. Une dernière. Dernière. C'est fini après. Vous allez être libéré. Vas-y. Non. Le même début que tantôt que je répéterai pas. Donc, le deuxième élément d'un mot prend un S si le mot est au pluriel lorsque le composé est formé à l'origine. Ah, oh, c'est pas vrai, c'est pas la même. Je suis arrivée dans mon livre. OK, bon, finalement, la dernière. Les noms et les adjectifs empruntés à d'autres langues, dont le latin, suivent la règle générale du singulier et du pluriel des mots français. Je pense qu'on comprend assez facilement, là. Un varia, des varia. Oui, parce que c'est ça, dans d'autres langues, des fois, le pluriel est un UM à la place d'un S, mettons, ou peu importe. En français, tu l'adaptes en français, tu vas pas chercher les règles de l'autre langue. C'est ça, ou les mots en italien, par exemple, un nom commun prenait, je pense que c'était un O au singulier, un I au pluriel, mais là on met un S. C'est logique, parce que là, on est rendu implanté dans notre langue. Ben c'est ça, on va pas aller faire des recherches pendant 3 heures. Voilà, c'est fini. Merci. C'est tout. Merci. J'en parle plus. Merci beaucoup. Très bonne chronique, non, mais oui. Okay, toi, bonne chronique. Toi, beaucoup trop de questions sur le même sujet. Ah, je comprenais pas, mais en fait, c'est comme pas logique pour moi. Mais c'est ça. Mais je l'ai appris comme ça. Mais c'est compliqué parce que nous, on l'a appris autrement. Non, c'est ça, exactement. Mais quand on y penche, moi, je trouve ça bien logique. Bon. Tout à fait. Merci encore, Jasmine. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine. C'est mercredi. Et la suite de tout ça. Oui. Encore beaucoup de plaisir. Ouh. On va se retenir un petit peu plus peut-être la semaine prochaine. Je vais commencer avec les accents et les trémas la semaine prochaine. J'ai hâte ça. Ça va être très intéressant comme toujours. Non, mais pour vrai. Moi, ça m'intéresse. Myriam, elle a trouvé très drôle. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a trouvé drôle? Ta blague. Quelle blague? Je me rends même plus compte de mes blagues. Ah, c'est pas vrai. Restez là dans la deuxième heure. Myriam Fugère s'en vient avec sa chronique aléatoire. Elle nous parle encore de... elle nous parle... point, virgule, pas vraiment de... On met des S. Ouais, on met des S. Avec un S. On parle avec un S. Bonne chance que je parle, oui. Tu vas parler? Voilà, ouais, je vous ai parlé. Parfait. Restez là. Restez là. Restez là. Pour l'instant, ben, c'est l'Info Campus. Hein? avec un S, mais juste à campus.info, je trouve pas ça beau. Non, c'est un info, campus.info. Je m'abandonne. Ah, ben, il y a... Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89-1. Deuxième heure d'Assemblage requis en ce mercredi 7 décembre 2011. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Et lui, c'est Mathieu Plante. Le bavard François-Olivier Marchand. Hein? Mais Myriam fait une drôle de face, là. Je sais pas, on dirait que tu plaçais tes écouteurs, puis oh non, il y en a un qui... Je pense que ça pogne dans tes cheveux, hein, c'est ça? Boucle d'oreille. Boucle d'oreille. Ouais, hey. Ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Parlant de boucle d'oreille. Ben oui. Anecdote, vas-y. Non, mais moi, je fais jamais vraiment de jeu de mots, là. Tu sais, je laisses ça à Mathieu Plante. Je vais pas les chercher très loin, ouais, là, oui, tout ça. Sauf que, en fin de semaine, j'en ai fait un, puis je le trouve bien drôle. En fait, je regarde un présentoir de bijoux dans un magasin, puis il y avait des boucles d'oreilles, okay. Puis c'est des petits boucles. Les animaux, là, le bouc. Tu sais, des boucles, là. Avec des... En tout cas... Là, c'est clair. Des oui, boucles. Ceux-là, là. Ah, là, je trouve ça tellement drôle. Je fais, regarde ça, c'est des petits boucles, des boucles d'oreilles. Les vendeuses ont fait... Oh? Ah ouais, ça capotait dans ça le magasin. Capotait. Et les filles disaient, on va le dire encore au monde. Non, on va le dire. C'est sûr que c'était pas la première fois qu'ils l'entendaient en plus. Ben, on dirait. Ben oui, ah, c'était la première fois qu'ils l'entendaient. Mais ben, c'est quand même sophistiqué comme jeu de mots, là. C'est pas n'importe quel jeu de mots de Mathieu Plante. C'est recherché... Ah! Oh. Elle là. Bon. Mais non, ça va tout le temps bien drôle, celui de Mathieu. Je m'inspire. Bouc! Hey, tantôt, j'écoutais la télé, là. J'écoutais Salut, bonjour avant de m'en faire. Changez pas de poste. Puis. Ben non, mais là, c'est papa Gino. Qui écoutait ça. Papa, il écoutait ça. Il est cool, moi, je trouve. Puis, moi, c'est que c'est mon ami. Il y avait comme une pub de disque de Noël, OK? Puis c'est disque de Noël, c'est le jazz. Fait que là, je chantais à mon père, hey, version jazz, Have Yourself a Merry Little Christmas. Non, tu sais. Puis là, je disais, Have Yourself a Merry Little Christmas. Non, non, non. Là, alors, ça, tu sais, ça disait Miles Away. Mais là, je disais Miles Davis. Pas si drôle. Wow! Hey, hein, c'est... Book! Hey! Parce qu'il y en a qui sont fatigués. Bon, OK, dans la lignée des chansons de Noël ou autres trucs de Noël. Quoi? Ouais, des chansons de Noël. C'était, je dirais que c'était... T'en as trouvé même pas... Mettons, un Indien dirait Gino Good. Hey, c'est ouais. Gino Good. No Good, Gino Good. OK, hein? Pars mon intro, c'est parti! C'est la chronique aléatoire, Myriam. Miles Davis, t'as pointu? Je dirais que, bof, hein, c'est... Ça vaut un bouc. Un bouc. Bouc. Salut Myriam, bon matin. Hey, bon matin. On va faire comme si tout le reste n'avait pas eu lieu. Là, on parle d'hiver, on parle de disques de Noël, puis tout ça. Oui. Fait que mon palmarès des meilleurs disques de Noël. Hey, c'est pas vrai. Non, j'espère. Faire ça, Michael un des plaies. Michael Bublé. Hey, I haven't met you yet. J'ai entendu aussi ce matin, chose là, Bieber. Il y en a sorti un. Ben non. Pas Justin Bieber. Ouais. Ben voyons. Ouais. Justin Bieber. Ouais, il a sorti un album de 15 ans. MC, ouais. MC Justin. Ben, c'est un beau jeune homme de 16 ans. Ben non. Oui. Bien maquillé surtout. Sans te pète le plus. Personne au tien. C'est ça que j'allais dire. En effet, en ce moment, oui. C'est peut-être ton idole, on sait pas. Oui. Oui. J'étais allée chez la coiffeuse, j'ai dit j'aimerais faire avoir l'air de Justin. Myriam. Discipline. Coéquipière. Les amis, s'il vous plaît. Donc, entendons-nous qu'un des plaisirs de l'hiver, un des plaisirs du temps des fêtes, c'est vraiment de se blottir dans son gros pyjama. Bon, un peu moins pour les gars, peut-être, là, mais tu sais, de se blottir dans son pyjama avec une grosse doudou. Là. Ouais. On a tout en pyjama à pattes avec la trappe en arrière. Oui, c'est ça, exactement. Donc, tu sais, on se met devant un bon film de Noël, puis on écoute le film. Finalement, On écoute le film. Wow, okay. C'est important de l'écouter. On peut même le regarder aussi. Les deux en même temps? Ouais, faut faire les deux. Puis, ben, c'est ça, dans le fond, moi, ce que je préfère là-dedans, là, c'est quand tu ouvres la télévision. Puis, la télévision. Quand tu ouvres la télévision. La TV? Hey, je me demande où tu vas en venir, là. Quand tu ouvres la télé. Quand tu ouvres la télé, puis que tu tombes directement sur un film de Noël, puis là, tu dis, ouh, c'est quoi le film? C'est quoi le film? Puis là, t'aimes ça. Tu sais, dès qu'il y a de la neige dans ton film. T'as raté la moitié du film, mais c'est pas intéressant. Non, non, c'est ça. Mais quand tu l'as toujours vu. Tu sais, quand tu l'as vu. Quand tu l'as toujours vu. Je n'ai de cesse de le regarder. Mais quand tu le vois souvent, ce film-là, ben, ça te dérange moins parce que tu sais déjà le début. Genre les gens qui disent hey, le sapin a des boules, c'est comme mon film de Noël. Hein. C'est le film de Noël de pas mal tout le monde, je te dirais. Okay. Non. Excuse-moi, tu peux-tu me laisser faire ma chronique? Ouais. Excuse-moi d'avoir des opinions. éthique journalistique. Topingra plus tard. C'est quoi? Donc, topingra, opinion. C'est mon verbe de. C'était tiré par. Oh non, non, mais avec le nouvel orthographe, c'est ma forme verbale. Bon, c'est ma forme verbale. Donc, en fait, je vous ai préparé une liste de films de Noël qui valent la peine d'être vus. OK. Donc, je parle pas de La fiancée du Père Noël. Non, mais j'ai vu ça en fin de semaine. C'est comme un film que j'avais jamais, dont j'avais jamais entendu parler. Ça t'aurait pas dérangé de continuer comme ça, ça? Ça jouait à V, là, si je me trompe pas. C'était pas mauvais. C'était pas mauvais, mais l'acting n'était pas particulièrement bon. Mettons. C'était quoi? Mais l'histoire était. Ben, tu sais, mettons. Est-ce qu'elle l'a dit? Oui, elle l'a dit. La fiancée du Père Noël. La fiancée du Père Noël, mais tu sais, c'est, mettons, la fille. En fait, le gars, c'est le gars du Père Noël. Puis là, après gars, Noël. C'est le gars du Père Noël. C'est le fils du Père Noël. C'est comme un arbre généalogique, mais un arbre de Noël. Un sapin généalogique? Oui, c'est ça. Ah! Pas mal mieux comme blague, finalement. Ouais. Un arbre généalogique, mais avec je des boules. Je te remets la palme. Oui. Excuse-moi? Avec des boules. Avec des boules. Un arbre généalogique avec des boules. Donc, Le sapin a des boules. Hey, saviez-vous ça? C'est un film de 89. C'est vrai que c'est. Et Chevy Chase, ça? Oui. Ouais, ouais. Ça fait partie de la série des National Lampoon. Il y en a eu plusieurs. Ils sont allés dans différents pays. Mais celui-là, en français, c'est juste Le sapin a des boules. Fait que les gens ne se rendent pas compte qu'il y a une série autour de ça. Oui, ben c'est ça. Il y a comme deux épisodes, en fait, qui parlent de la famille Griswold. Ben, cette fois-là, ben, ils font les préparatifs de Noël et tout ça. Puis il y a un écureuil qui saute d'en face du père, tu sais. Hein? Mais ça, c'est vraiment un film extrêmement drôle, moi, je trouve. C'est génial comme film parce que tout lui arrive. Oui. Puis je me sentais un peu comme lui les dernières semaines parce que oui, ça fait trois semaines que j'essaie de faire le sapin de Noël à ma job. Là. Puis à chaque fois que je branche les lumières, il y en a tout le temps qui ne marchent pas. Je pense que c'est pas les lumières, tu sais, que quand il y en a une qui pète, tout marche plus, là, comme dans l'ancien temps. Ben, il y en a une, d'après moi, oui, parce qu'il y avait la moitié. Elle doit être vieille dans ce cas-là, me semble, non? Mais bon, non, c'est ça le pire. C'est bizarre, mais c'est parce qu'il y a comme la moitié qui allume, la moitié qui éteint. Puis en tout cas, je vais passer au film suivant. Vraiment un classique. Tu sais, quand tu demandes à quelqu'un, parce que toute la semaine, je demandais c'est quoi ton film préféré? Ouais. Maman, j'ai raté l'avion! Ben, c'est ça, c'est tout le temps c'est ça. C'est le comble de l'originalité. Encore une fois, les suites, personne ne les connaît, mais le premier, il y en a comme cinq, je pense, des Maman, j'ai raté l'avion. Ouais, mais là, cinq, t'as besoin. Le premier, il est malade. Oui, parce que ça sait bien que c'est d'autres acteurs, les 5e et 4e. Il y a même eu une espèce de version semblable. Tu sais, Maman, je m'occupe des méchants. Mais ça fait partie de la même série, ça, officiellement. Ça fait partie de la série. OK, c'est bon. J'en connais des choses. Lui, il est drôle. Lui, il est drôle, par exemple. Pas super. Lui, Mathieu Plante? Un qui tombe assis à la toilette. C'est drôle, en tabarnouche. Ah oui, encore là, des blagues de pipi caca. Il y a du caca qui revole, c'est drôle. Incroyable. Bon matin, ensuite de ça, il y a L'étrange Noël de Monsieur Jack, bien sûr, ben oui. Qui est un film de 93. Puis moi, je pensais que c'était Tim Burton qui l'avait réalisé. Eh bien non, je me souviens plus du nom du monsieur, là, mais c'est lui qui a fait le scénario, Tim Burton. Ben Turton. Peut-être bien, je m'en souviens plus. J'ai vu hier, puis je m'en rappelle plus. Donc, c'est l'histoire de Jack Skeleton, qui est le roi des citrouilles, vit dans la ville d'Halloween. Là, il s'ennuie, il aime plus sa vie, fait qu'il décide de changer de ville, tombe sur la ville de Noël et décide que les habitants de la ville de l'Halloween vont fêter Noël cette année. Bah. Voilà. C'est lui qui décide ça. C'est lui qui décide. Ben oui, ben c'est parce que lui, c'est le roi des citrouilles. Ben oui, c'est une bonne raison pour décider. Dans la vie, quand t'es le roi des citrouilles... Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Le Pumpkin King. Pumpkin King. Ou voilà. Le Pumpkin King. Comme tu veux. Pumpkin King. Non. C'est de la compression des mots. Pumpkin. Langue française. De l'orthographe. Deux traditions là-dedans. Ah, Pumpkin King. T'en mets pas. C'est pour mes DS, par exemple. T'en mets pas. Non, t'en mets plus. Revenons pas sur le sujet, s'il vous plaît. Même pas dans 21, là. Moi, je vais l'enlever dans mon nom aussi. Ça va être François-Olivier. François-Olivier. François-Olivier. François-Olivier. Enlève le O aussi. Faut enlever des voyelles. Ouais, c'est ça. Faut enlever le S. Oh. Bon. Le Grincheux aussi. Oh, oui, avec Jim Carrey ou l'original, toi-là? Ben, moi, je. Jim Carrey. C'est très drôle. Honnêtement, j'ai pas vu d'autre. Ah, OK. Fait que, regarde, je vais y aller avec Jim Carrey, film de 2008. Donc, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, ben, le Grincheux n'aime pas Noël. Puis il y a la jeune Cindy Lou qui comprend pas pourquoi il aime pas Noël, puis qui veut découvrir le vrai sens de la fête de Noël et découvrir pourquoi le Grinch aime pas Noël. Y a-tu des affaires religieuses dedans? Non. Good. Mais il me semble pas, non. D'accord. Donc, on trouve pas le sens de Noël dans la religion. Une chance. C'est l'amour, le partage. Ah, la famille. La famille. La bouffe. Pas le petit sapin. Le hier, sapin, oui. Les boules. Hier, là... Qu'est-ce qui s'est passé hier, Myriam? Non, mais je travaillais, puis il y a un monsieur... Conte-nous ça. Une petite anecdote. Il y a un monsieur, je me souviens plus pourquoi j'y ai parlé. Ah, je parlais du carême. Mais rapidement, comme ça, tu sais, je lui dis, oh, on va faire le carême. Puis il me dit, oh, le carême, ces histoires de religion-là, ça vient de l'autre bord. Je viens de l'autre bord. Ça vient de l'autre bord. Check Caïn puis Abel. Oh, mon Dieu, pourquoi qu'on parle du Caïn et Abel? Qui sont... Il dit, tu sais, t'as Adam et Ève, ils ont eu des enfants. Caïn et Abel, il y en a un qui a tué son frère, l'autre il est parti, il est revenu, il était marié avec une fille. C'est qui cette fille-là? C'est sa sœur. C'est correct, ça, tu penses? Là, moi, je suis là, voyons, qu'est-ce que c'est? Je comprends pas. On parlait du carême. On parle de Caïn et Abel, le gars qui couche avec sa sœur. Je sais pas, je le connais pas. On n'est pas très, très... Non, mais tu sais... Mais Caïn, moi, je pensais que tu parlais du groupe, là. Je suis con, même. Non, c'est deux personnages Abel, bibliques. OK, c'est deux personnages bibliques. On commencera pas à parler de ça, mais bref... Tout ça pour dire que le monsieur est parti du carême en me parlait. Tu sais, il était quasiment en train de me lancer de l'eau bénite en me disant « Suppos de Satan! Suppos de Satan! » J'aurais lancé des guimauves. Oh! Voilà. Supposons qu'on continue. Tout dans le chocolat chaud. Bon, donc, dernièrement, mais c'est comme une reprise qui a été faite dernièrement. Un remake encore. Le conte de Noël avec, le truc de Monsieur Scrooge, là, avec... Monsieur Scrooge, c'est pas le grincheux, ça? Ouais. Non. T'es sûr? Certaine. Monsieur Scrooge, c'est une monsieur super avare. Le grincheux, c'est le Grinch. Grinch. Scrooge, excuse-moi. Scrooge, c'est... Deux personnes qui n'aiment pas Noël, pardonne-moi de les confondre, tu sais. Mais c'est avec Jim Carrey. Jim Carrey. Donc, Jim Carrey et le grincheux et le Scrooge, et tu sais, je les ai un petit peu mélangés. Hein, ouais. Donc, c'est encore Jim Carrey. Puis, je l'ai écouté la semaine dernière en préparant ma chronique précédente. Donc, ma chronique de la semaine dernière. Et puis, ce film-là, il utilise la technologie de captation de mouvement. Ouais. Donc, c'est super intéressant de voir ça. En fait, il semble de voir enregistrer ça. Ils ont comme des espèces de pastilles partout, sur eux, ouais. Là, partout qui font en sorte. Fait qu'il y a Colin Firth là-dedans, il y a Jim Carrey, tout ça. Donc, mais tout c'est pas en vrai. Tu reconnais vraiment. Ouais, tu reconnais leur face, mais c'est pas eux. Tant qu'à s'y mettre dedans. Mais il me semble. Moi, je comprends pas vraiment l'idée de faire du mocap, motion capture, et de mettre exactement la même personne que dans la vraie vie. En fait, c'est utile, mais pour les jeux vidéo. Ben, c'est utile, c'est ça, pour les jeux, exactement les jeux vidéo. Ou encore quand tu veux faire jouer Gollum. Quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Hein? Comme c'est ça. Gollum. Exactement. Là, très, très bon exemple. Si le gars, c'est un gars de taille normal, genre, et puis il joue un genre d'être bizarre. Ben, c'est ça, ça peut être difficile de trouver quelqu'un qui va avoir ce physique-là. Ouais. Hein, tu fais jouer ça. Mais si tu fais jouer Jim Carrey, Jim Carrey, fait que mettre Jim Carrey. Ouais, mais en même temps, il est tellement recroquevillé, M. Scrooge. Ouais. Mais tu sais, c'est parce qu'il voulait faire ça en dessin animé, mettons. Parce que ça se vend en plus, c'est plus marketing. Puis c'est trop bien 3D. C'est plus accessible, peut-être. Ouais, ça, c'est pas. Peut-être. Tu sais, ouais. Un film d'animation pour les enfants, c'est plus animation, c'est plus enfant. C'est pas du grand cinéma, mais on s'entend que. Mais non, mais c'est là. Divertissement, là, à la base. Divertissement. Là. Ouais. Calme-toi, Seigneur des Anneaux. Ah, ben, je vois le grand Calme-toi, Scrooge. Le Seigneur des Anneaux. Qu'est-ce que c'est, cette insulte-là? C'est pas insulté à penser, merde. Mon précieux. Ah, mon précieux. C'est juste le lien. Donc, voilà, M. Scrooge, on connaît l'histoire, là. Il aime pas Noël. Finalement, il y a trois fantômes. Le fantôme d'avant, le fantôme de maintenant, ouais. Le fantôme du futur qui viennent le visiter pour lui faire réaliser, finalement, ouais. Que sa vie est peut-être pas adéquate puis qu'il va finir tout seul. Donc, il faut qu'il fasse des changements dans sa vie. C'est une chance qu'ils ont eu cette idée de concept-là pour pouvoir refaire le concept dans chaque sitcom imaginable sur Terre. Ils ont tout repris ce concept-là. C'est original, oui. Mais ça vient de là. Si je pensais me faire péter ma joie de Noël, moi, aujourd'hui... Moi, je suis le grincheux. En personne. Ben justement, pour toi, méchant Père Noël, Bad Santa. Ça a l'air bon, ça. De Billy Bob Thornton, en fait, Père Noël de magasin qui est exaspéré de son travail, puis qui finit par faire une espèce de cambriolage, puis il enlève la joie de Noël à un enfant. Ça, je trouve ça vraiment original comme concept. Ah, il s'appelle Mathieu. Voilà. Plante. Parce qu'il plante Noël. Puis il garde des tuques. Plante un sapin? Ben oui. Il plante Noël ou il plante des sapins. Ah, tu fasses attention. Je pense que Myriam s'est fait mal pendant qu'on parlait. Moi, je me suis accrochée dans mon fil, là, puis ça n'a pas fait. Donc, la garde des tuques, c'est... T'sais, ah, c'est vrai, c'est un film de Noël, ça? Ben, c'est un film du temps ça des fêtes. Ça se passe à Noël, oui. Donc, tu sais, t'as, bon, les... juste pour toutes les répliques qui sont connues, les répliques qu'on le sait avant qu'ils le disent, qu'est-ce qu'ils vont dire. Parce que tu l'as déjà on vu. On aime le revoir, l'entendre. Ouais, mais tout le monde a déjà vu la gare. Je suis une des seules personnes à ne pas avoir vu. Oh non, c'est mais non, arrête! Hey, mais... Je jure. Je pensais pas me faire accuser de même avec un. Non, mais c'est vraiment bon. C'est pas non, j'allais pas t'accuser. J'allais juste te dire, il faut vraiment que tu vois ça. OK. La gare des tucs? Ouais. Ouais, mettons, je pense que la garde des tucs, j'ai vu pour la première fois il y a comme 2 ans. Là. Bon, il est gratuit sur Cogeco et tout. Là. Fait, ouais. Sérieux? Ouais. Sur demande, là. Ouais. Il y a ça, puis d'autres films cool, genre Opération Beurre de Pinot. C'est ça, j'avais dit. Est-ce que les choses sont perdues? Il y a tous les lancers contre aussi, c'est malade. Là, il parle de même. Non, il faut que tu ramasses le timbre. C'est bon pour imiter. Excellent. J'aime bien ça. Ouais. Hey! Bon, hey, le meilleur miracle de la 34e rue. L'original ou le remake? Je l'ai pas vu. Ah, oh, ben, le remake, compte ça doit être avec la petite fille, là. Les deux, c'était une petite fille. On s'entend qu'ils ont choisi de refaire ça avec une fille et non avec un chien, là. Un chien? Ah! Non, mais tant qu'à faire un remake, tu sais. Un reine, ils l'ont fait avec un reine. Avec un reine. Le reine d'enfant, il regarde la parade passée. Mais non, oui, bon, en fait, d'après moi, c'est le remake. OK. Honnêtement, là, mais tu sais, pour moi, c'est quand même un vieux film, ouais. Sauf que j'ai pas 40 ans, mettons. Oh, pas comme okay. Toi, mettons. OK. Le film, en fait, pour moi, c'est le film de Noël par excellence parce qu'il y a tout là-dedans. La parade de Noël, il y a le Père Noël qui est tellement gentil. Il y a une histoire d'amour. Il y a la petite fille qui croit en Noël, mais qui est un peu sceptique. Puis, donc, il y a de tout. Au Québec, on a Nez Rouge aussi qui a été fait. Avec Patrick Huard. C'est un classique, ça. C'est un classique, sûr. Un succès. En fait, avec Patrick Huard, c'est ça, Michel Barbara Pelletier. Puis, en fin de semaine, je vais probablement le faire, Nez Rouge. Puis, j'invite les gens vraiment à aller faire le bénévole pour ça. Hein. Et à. Ouais, je tourne un film en fin de semaine. Cool. Ouais, ça va être super bon. Ça va être bien drôle. J'espère que le monde y va. Hey, avec bien du monde, ça brosse. Ouais, mais j'ai hâte, c'est la première fois que je vais le faire. Puis, j'ai hâte de voir. Tu sais, il y a plein de monde qui te raconte. Est-ce que tu t'es bâti une équipe et puis. Ouais, sauf que là, c'est bien nébuleux. En fait, il y a quelqu'un qui a bâti notre équipe, puis je sais pas si cette personne-là a organisé ce qui va avec l'équipe. Tu sais, comme s'inscrire, mettons, pour être bénévole. Oh, OK. Je sais même pas si j'ai inscrit. Ouais. Tu sais, si j'avais pris l'initiative, je l'aurais fait, mais là, je suis allée voir sur Internet, puis pas mal sûr que je pas trouvé. Non, mais tu sais, hier, j'ai dit justement, « Hey, quelle auto on prend? » La réponse a été, « Ben là, on va reconduire le monde avec leur voiture. » Là, j'ai fait tu viens à pied. Hey, le grand, on couche pas chez le monde, là. Tu prends un taxi, hein, Il est pas tellement passé son affaire, lui. Excuse-moi, Gilbert, on dormirait ici, tu nous fais-tu un petit lit? On a ramené ton char quand même. C'est sûr que le gars dit. On ramènera demain. Ouais, sûrement. Ouais, tu sais ça, on vient te reconduire à soir, tu viens nous reconduire demain. On va être quitte. Ouais. Donc, voilà. Et puis, finalement, en fait, pour mon palmarès, c'est comme des 10 films. Il y a Boréal Express aussi avec Tom Hanks, qui est super génial aussi. Encore du motion capture, je crois, non? Ou 3D, mais sans la motion capture. Ouais, non. D'après moi, ils ont plus comme dessiné le personnage en fonction du visage de Tom Hanks. Okay. Parce que les autres, c'est pas... Il y a juste Tom Hanks, je pense, qu'on reconnaît là-dedans, qu'il n'y a pas d'autres acteurs qui ont fait de... Peut-être qu'il y a juste lui qui en a fait aussi. Hein. Peut-être. Mais en fait, les enfants entrent dans un train qui s'appelle le Boreal Express ou le Polar Express et ça mène au pôle Nord alors qu'ils commencent à douter de Noël. Ouais. Quand ils commencent à douter de Noël, on les envoie là-bas et on peut plus douter après ça. C'est tellement beau. Et moi, mon film préféré, film de Noël, film qui parle de Noël, film dans lequel il y a de la neige. On essaie de le deviner. Qu'est-ce qui reste? Mais je pense pas que vous allez. Un indice. Oh, ouais. J'aime tous les devinettes, j'aime tellement. Une famille semi-dysfonctionnelle dans moi. Ça élimine pas grand-chose, OK. Non, vous le trouverez pas. Je suis pas mal sûre que vous le trouvez pas parce que c'est pas un classique, mettons. OK. C'est la famille Stone. Je sais pas si vous avez déjà vu Family ça. Family Stone, hein? C'est ouais. OK. C'est vraiment drôle. C'est avec, j'allais dire Michel Pfeiffer. C'est pour ça, pas en tout. Là. C'est avec. Michel Pfeiffer? Voyons, j'ai un blanc. C'est Woody. Vague. La fille avec Woody Allen, là. Voyons. C'est vrai, la fille avec Woody Allen. Ben oui, elle a sorti avec Woody Allen, c'était sa muse, là. En tout cas, bref, ça va me revenir. Diane Keaton. Tu m'as même pas te laissé le trouver. Non. Donc, la famille Stone, c'est une famille qui est très ouverte sur beaucoup de domaines, en fait. Puis, il y a un des fils qui amène sa conjointe, qu'ils n'ont jamais rencontré, à Noël cette année-là. Et puis là, elle est un peu coincée, elle est un peu raide, elle a des manières plus guindées, si on veut. Puis là, ça vient créer un grand fossé entre la famille et la fille. Et puis, c'est une famille pas ordinaire, en fait, qui accepte, mettons, bon, là, beaucoup l'homosexualité, la drogue, tout ça, ça les dérange pas. Mais qu'une personne guindée comme ça arrive chez eux, ils sont comme insultés, puis ils sortent les griffes. Donc, c'est très drôle parce qu'il y a beaucoup de péripéties qui s'en suivent dans un gros décor de Noël. La famille est super attachante. Les personnages sont géniaux. Donc, ça vaut la peine d'écouter ça. La famille Stone avec Diane Keaton, c'est très bon. Vous reconnaîtrez lors de la location sur votre service de vidéo sur demande et non dans les clubs vidéo parce que personne va là. Le poster de la couverture, c'est un doigt. Comment on appelle ça? L'annulaire. En genre de finger sur la couverture. Oui, parce que qui montre la bague. La bague, c'est ça. La bague de mariée de la grand-mère. Tu peux arrêter de me pointer ton doigt comme ça. Pourquoi? Ça te met mal à l'aise? Mais pas vraiment, juste le fait que tu es capable de faire ça. Ben, non, mais c'est cool, parce que moi, je suis pas capable de faire ça pendant tout. Tous les doigts vont me lever quand je lève le... Est-ce que je peux vous raconter quelque chose? J'ai déjà... Non. Tu sais, là, tu sais, avoir justement une espèce de... Star Trek? Les doigts des deux côtés, là. Ouais, Star Trek, ouais. Pourquoi je raconte ça? J'ai plus le choix de le raconter. C'est commencé. Je suis pas capable de faire ça. Ça, c'est assez intelligent d'être capable de le faire. Sans faire. D'être capable de le faire. Je voulais vraiment être capable, fait que je me suis dit, je vais comme m'habituer en passant une journée avec les doigts. Oui, tu vas devenir flexible. À quel âge t'avais ça? 12-13 ans. Ah oui? 13, 14, 15, je sais plus. Donc, j'ai pas vu avec ça à l'école. Donc, signe de non-intelligence de pas capable de faire ça. La semaine passée. J'ai tellement pas réussi, je m'étais dit, mes doigts vont s'habituer, tu sais, à rester de même. Ben oui. Ça a été vraiment un flop, là. Es-tu capable, toi, Mathieu? Oui, je l'ai montré tantôt. Hein. Ah oui, non, excuse-moi, j'ai pas dû le voir. C'était pas dans ton angle. De... C'était pas dans mon angle. Ton angle, bon. On fait les mimes, c'est beau. Incontournable du temps des fêtes aussi, il y a Ciné-Cadeau. Oui. Bien sûr, Lucky Luke, les Astérix. Astérix. Il y a aucun film de Noël quasiment là-dedans, mais je sais pas pourquoi on passe ça à Noël. Ça. Ben, parce que... Ils passent tout en rafale. Bing, bing, oui, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing. Tellement le fun. Mon préféré, 12 travaux d'Astérix, quand c'est celui-là. Ben oui, classique. Je l'écoute. Il y avait aussi, là, quand j'étais plus jeune, moi, il y avait comme les 9 vies de Garfield. Est-ce que vous avez déjà vu ça, ces films-là? Non, j'ai pas vu ça. Non, c'est juste moi et mon frère qui avons vu ça dans la vie. Les 9 vies? C'était comme un film sur Garfield, puis il y avait comme ses 9 vies. Moi, ma préférée, c'était comme dans... C'était comme ça pas 7 vies. Les 9? C'est quand, en tout cas, hey, vous essayerez de trouver ça, vous m'en reparlerez, s'il vous plaît. OK. C'est vraiment cool. S'il vous plaît. Quand il est en Égypte, là, c'est vraiment malade. Ah, wow. C'est hey, il va en Égypte. Ouais. Hey, wow. Dans une de ses 9 vies, je sais plus si c'est la 4-5e, mais c'est vraiment hot. Hier, j'ai écouté les Schtroumpfs, là, puis. Les vieux? Le film, là. Ah. Puis, il y a le chat, pas Gargamel, mais Azrael. Azrael? Ben. C'est le fun comment ils ont fait le chat. Il est comme semi-animé, semi-pas animé. Ils font faire des faces, ils font parler. Cool. Puis là, mon frère, on se dit, mais il me semble que ça aurait été fun qu'il fasse Garfield comme ça. Je sais pas si c'est parce que la technologie était pas rendue peut-être. Là. Mais, tu sais, on s'est entendu que le gros chat. Je pense que c'est le budget, moi. Ah, peut-être. C'est sûr que c'est un film à gros budget, Garfield. Ouais. Il y a les émissions spéciales. Moi, je suis une fan de La Petite Vie. Hein, fait que, oui. Il y a des émissions spéciales de La Petite Vie aussi. Avec plein de références très courantes, là, genre sur le bug de l'an 2000 ou quelque chose comme ça. Ouais. Mais tu sais, c'est très courant. Très drôle quand même. Ça reste drôle. Donc, la semaine prochaine, on va parler encore de Noël, évidemment. Puis, tu sais, je sais pas trop encore vers quoi on va s'aligner, mais il va y avoir un peu de visuel. Ah oui? Qu'on va devoir expliquer. OK, j'ai très hâte. C'est toujours les meilleurs moments, ça, dans nos émissions. On explique le visuel, mais on va le mettre sur le site Internet pour aussi. Que vous puissiez le voir. D'accord. Voilà. Merci, Myriam. Hey, merci à vous. Merci beaucoup. À mercredi prochain, à 8h30. Hey, j'ai été quand même bonne. Oui, oui, oui, vraiment. Parce qu'il n'y a personne qui parlait, toi, pendant ta chronique. C'est ça. Hey, on a parlé en masse, regarde. Oui. Hey. Tout le monde parle pendant ma chronique parce que quand on veut interagir, c'est tellement intéressant. Bon, là... Hey, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Reste dans mon équipe. Moi, c'est celle de Jasmine que j'ai bien aimé ta chronique. T'es très, très bonne. Oui, mais c'est vrai que c'était très intéressant. C'était l'accessoire à la chronique qui était moins. Mais non, c'est la vérité. C'est la vérité. J'ai trouvé ça très intéressant. Surtout le bout avec François qui pose des questions super pertinentes, qui ajoute du contenu. C'est ça. Plusieurs fois la même. Wow. C'est pour ça que je t'ai choisi dans mon équipe. Parce qu'elle est fake et menteuse. Pourquoi tu ris? Pour rien. Ah! On prend une pause. Il comprend même pas que je ris de lui. On revient avec la chronique de Yann Martel du service aux étudiants. Restez là. Hein? OK. Ça y est, j'ai plus d'équipe. Ah oui, t'as encore une équipe. Ouais, toi, parle-moi. On va demander de choisir son bord à Yann, voir. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis jusqu'à 9h. Et le party poignée en place, là! Wouhouhou! Hey, c'est rare qu'on peut dire que les 5 micros sont ouverts. Ouais! C'est vrai, c'est une des premières fois cette année. Est-ce que ça arrive souvent, Mathieu? très, très rare. Par contre, étant donné que c'est une chronique sérieuse sur, sur un sujet important de la vie, on va leur fermer la trappe, OK? Ça ferme la trappe. Yeah! Non, ils ont déjà fermé leur trappe. Non, comment? C'est fini. Fini, ça. Monday, Mathieu. C'est la chronique financière du service aux étudiants avec Yann Martin. Bon matin, Yann Martel. Bon matin, messieurs. Comment allez-vous? Ça va très bien. Bien, tu nous as manqué la semaine dernière. Ah, je suis désolé. C'est vrai. Un petit contretemps, là. C'est pas grave. Malheureusement. C'est pas grave, on t'en veut pas trop. Mais entre-temps, t'as pas perdu ta moustache, ton poids est toujours là, donc on apprécie de... on n'est pas défiguré. En fait, j'ai fait progresser la chose. Ouais, c'est ça, ça pousse bien. Oui, ça va contrairement très bien. À moi. Merci de prendre des nouvelles de mon capillaire. Ça me fait plaisir. Tu vois que François suit ta mode aussi. Oh oui. Donc, vous êtes frère de moustache. Frère de barbe. De barbe. Voilà. Donc, de quoi on parle aujourd'hui? Alors, il y a quelque chose d'intéressant qui se produit en ce moment au niveau... on va faire attention à intéressant au niveau de l'Assemblée nationale. c'est peut-être un peu contradictoire ce que je vais prêter à dire. Non, mais il y a quelque chose qui est intéressant. Il y a le projet de loi 24 qui va être présenté bientôt à l'Assemblée nationale. Entre autres, cette loi-là vise à lutter contre le surendettement des consommateurs puis à moderniser les règles relatives au crédit à la consommation. Et entre autres, un des aspects visés par cette loi-là, c'est d'interdire la sollicitation sur les campus collégiaux et universitaires au niveau de la vente de cartes, ben, pas la vente, mais la sollicitation pour les cartes de crédit. Donc, les institutions financières n'auront plus le droit de se présenter sur les campus collégiaux et universitaires de la province pour faire de la sollicitation pour les cartes de crédit. De donner des petits cadeaux pour que les gens... Voilà. C'est quelque chose qu'on voyait beaucoup dans les dernières années. Oui, les institutions financières qui se présentaient en début de session, notamment, ils tenaient des kiosques. Ici, à l'université, on les voyait beaucoup dans le hall du Albert-Tessier. Se présentaient avec leurs produits financiers, notamment les cartes de crédit, les marges de crédit. C'est convaincant. Si tu dis aux gens, vous pouvez maintenant dépenser de l'argent que vous n'avez pas. C'est comme convaincant. On parle beaucoup du crédit à la consommation, puis les entreprises se sont modernisées au niveau de la stratégie pour faire consommer les gens. On a vu qu'avec l'intégration au marché du travail, là, vous allez dire, bon, je joue vieux jeu, je reviens dans le temps, mais avec maintenant les femmes qui sont beaucoup plus nombreuses sur le marché du travail, qu'est-ce que les gens des entreprises ont fait? Bien, ils ont fait beaucoup de promotion justement au niveau des femmes. Alors, les femmes, maintenant, vous êtes sur le marché du travail, vous avez de l'argent, donc vous pouvez dépenser. Donc, on a fait beaucoup de publicité. Maintenant, qui on vise? Bien, les jeunes. On s'attaque beaucoup aux jeunes, tout ce qui est les promotions, tout ce qui est les gadgets électroniques, tout ça. Ouais, on parle de iPod Touch à 7-8 ans, mettons. Là, oui, je peux te le confirmer, Mathieu. J'ai mon garçon de 10 ans, là, iPad, tout ça, là, c'est dans sa liste au Père Noël. Linké avec sa carte de crédit. Voilà. iTunes. En fait, il m'a dit exactement qu'il voulait s'acheter une carte de crédit. Il trouve ça formidable. On peut s'acheter n'importe quoi avec une carte Pourquoi de crédit. Pas? Ben oui, alors il dit... C'est quoi les conséquences de ça? Voilà. Il n'y en a pas. Donc, on voit que les entreprises ont réussi leur objectif de augmenter la consommation chez les ménages québécois. Donc, cette loi-là, justement, vise à rétablir un peu les règles. Puis, c'est aussi une demande qui avait été faite quand est venu le temps de la hausse des frais de scolarité. La FEUC avait présenté certaines recommandations, certaines demandes qu'ils avaient envers le gouvernement. Et ça faisait partie de leurs demandes. Bien, je dis la FEUC et toutes les associations étudiantes, celles au collégial aussi, tout ça, avaient fait la demande qu'il y ait des règles plus sévères qui soient mises en place pour empêcher les institutions financière de venir faire de la sollicitation comme ça sur les campus. Parce qu'on s'entend, on est en début de session. Souvent, les étudiants s'équipent pour leur appartement. Exactement. On a besoin quand même de liquidité. Et voilà. Et là, le crédit devient une option intéressante. Les étudiants sont vulnérables à ce moment-là. Et là, voir arriver les institutions financières avec les beaux cadeaux, justement, avec les promotions spéciales, avec les taux de crédit très peu élevés. Donc, c'est pour l'instant. Pour l'instant, bien sûr, parce que ça progresse avec le temps. Donc, tout cette loi-là vient chercher à rétablir un peu les règles au niveau du crédit à la consommation. Logique. Tout à fait logique. Donc, c'est une bonne chose, puis on commence à s'apercevoir que le gouvernement écoute les groupes de pression suite à l'annonce de la hausse des frais de scolarité. Ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas seulement placer une hausse de frais de scolarité. Il y a des choses qui doivent être rétablies aussi pour permettre aux étudiants de souffler un peu. Donc, on commence à voir que c'est écouté, donc c'est des bonnes nouvelles pour la communauté étudiante. Il doit y avoir une certaine pression des grandes institutions financières pour pas que ça passe, parce qu'on sait ici à l'UQTR, on prend l'exemple ici, la Banque nationale qui a fait quand même un don important à l'UQTR, donc j'imagine semble que... En même temps, François-Olivier, les institutions financières sont très rusées. Hein. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'ils vont voir la nouvelle loi se mettre en place et ils vont trouver une autre façon de... Pas nécessairement de contourner, mais de rejoindre leur clientèle cible. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on voit d'autres stratégies publicitaires ou quelque chose comme parce ça. Parce qu'ils vont avoir sûrement le droit d'afficher la publicité. Probablement, affichage. Grosse affiche, carte de crédit disponible à la Banque nationale qui est chaque côté. Probablement, ou accès peut-être à des sites Internet permettant de faire la promotion, l'achat sur Google de certains mots-clés pour dévier, supposons, une aide financière. On achète le mot aide financière, puis oups, ça les dirige vers les sites d'institutions financières. Donc, on va t'aider. Oui. Il y a d'autres stratégies. Là, je ne veux pas donner des idées. Trop tard. Ben, ils m'appelleront, je les conseillerai. Mais c'est moyennant un financement. Et voilà, bien sûr. Donc, moi, ça ne m'étonnerait pas de voir les institutions financières trouver des stratégies pour rejoindre la clientèle cible. Mais en même temps, c'est une très bonne nouvelle parce qu'effectivement, d'être présent en début d'année scolaire sur le campus avec des kiosques, c'est ça. Et vraiment, d'être là pour ça, c'est un petit peu déplorable. Ouais. Ben, je t'amène sur un sujet que tu n'es peut-être pas au courant. Est-ce que la Caisse des Jardins, qui est sur le campus en ce moment, offre ces services-là? Est-ce qu'ils vont devoir quitter à cause de cette nouvelle loi? On ne sait pas vraiment. Ben, ils ne sollicitent pas, eux. Non, c'est ça, eux, c'est du service qu'ils offrent. Donc, non, ça met un... non, je ne pense pas que ça les touche directement. Vraiment, ce qui est ciblé, c'est les kiosques qui sont mis en place pour faire de la sollicitation des produits de crédit durant l'année scolaire. Mmh. C'est vraiment ça, c'est le problème auquel on veut s'attaquer. Tommy. Formidable. On parle aussi, on va terminer avec la journée carrière qui se déroule aujourd'hui. Ben oui, je vais en profiter. Je vais aider ma collègue Marie-Ève Perron du service d'aide à l'emploi. On la salue d'ailleurs. Elle doit être très occupée en ce moment. Donc oui, aujourd'hui, c'est la journée carrière en enseignement qui se déroule à l'Atrium. Si je ne m'abuse, François-Olivier, de 11h à 16h, peut-être que c'est 10h aussi. Vérifiez les affiches, vérifiez la publicité qui a été faite. Je ne veux pas dire de fausseté non plus. Donc ça se déroule du côté de l'Atrium. Et puis, Marie-Ève me disait qu'il y avait, je crois, 26 commissions scolaires et regroupements scolaires qui allaient être présents. Oui, c'est très intéressant. Et de partout à travers la province et du Canada aussi, parce qu'il y a des besoins en enseignants francophones dans nos autres provinces canadiennes. Donc, vraiment, ça peut être intéressant pour tous les étudiants, bien sûr, du domaine de l'enseignement, mais ceux aussi qui veulent travailler au niveau scolaire, que ce soit en psychologie, en psychoéducation, que ce soit... au niveau animation de la vie scolaire, tout ça. Donc, 26 commissions scolaires, 26 kiosques que vous allez pouvoir visiter avec, bien sûr, des représentants, habituellement des ressources humaines qui sont là. Donc, c'est des gens vraiment intéressants avec qui on veut discuter, avec qui on va avoir des contacts et dont on veut prendre les noms en note si on veut poursuivre notre processus de recherche d'emploi. Donc, ça se déroule du côté de l'Atrium. Alors, un très bel événement à fréquenter. Et c'est gratuit, on amène son CV. Bien sûr, son sourire. Sa bonne humeur et sa propreté de sa personne. Ah! de préférence. Il y en avait qui n'avaient pas entendu ce critère-là dans la pub, ils se sont dit, je suis pas de bonne humeur. Tu rigoles, Mathieu, mais c'est toujours intéressant. Quand la journée carrière se déroule du côté du centre de l'activité physique et sportive, des fois, on voit des gens courir en haut, puis les gens sont intrigués. Ah, puis descendent. Ils sont un peu en sueur et en habit. Ne courez pas pour vous. Oui, non. C'est peut-être pas la meilleure façon d'aborder un employeur avec la main pleine de sueur. Ah. Donc, c'est pour ça que je dis propreté de sa personne. Une petite douche avant, là, ça peut être approprié. Excellent conseil. On aime ça. Fantastique. Donc, ça se déroule aujourd'hui. Aujourd'hui, du côté de l'Atrium. Merci beaucoup, M. Martel. Ça me fait toujours plaisir. La semaine prochaine, bien, pourquoi pas. Oui, pourquoi mercredi pas. À 8h30. Ça va être un rendez-vous. It's a rendez-vous. Voilà. Elle est toujours assemblage requis. Nous, on écoute une pièce de Mauve qui s'appelle Madeleine, qu'on dédie à Jasmine Raymond Draville. C'est fou, 80 heures. Merci, Yann. J'aurais pu la dédier beaucoup. Comme ça aurait été inconfortable. Je t'avais fait ça à Yann Martin. Je me serais senti intimidé. Bon, je te comprends. Madeleine, tu me fais de la peine quand tu embrasses les autres garçons. Fais des vrilles pour quelques billes. Oh Madeleine, tu fais de la vilaine en volant le charme des moments d'un bel été à tes côtés. As-tu pour une fois m'inviter à marcher pieds nus sur le quai, loin de tous tes prétendants? Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- passe voltige. Vois-tu une autre fois m'inviter à prendre tête et custer les étoiles dans tes yeux. Un petit blague dédié à Jasmine et Myriam. Jasmine a choisi la première pièce. C'était Mauve, oui. Avec Madeleine. Hein? Oui. Mais avec un A. Madeleine A. Yenu. Comme de la laine. Comme de la laine. Bon, on s'excuse d'ailleurs pour cette pièce-là. Puis... Quoi? Et ensuite, Myriam a choisi une pièce de Cœur de pirate. Beaucoup. De loin d'une. Ensuite, je pense que c'est François qui choisit une chanson. Oui, on va choisir On l'aime moi. Déjà pas. Ah non. Figa aujourd'hui. Lovely Feathers. Mais là, je préfère comme Myriam. C'est ma toune! Hey, tu vas dans les bars, là. Quand tu vas dans les bars, ben oui, c'est ma toune. Hey, t'es comme... Ça fait 15 fois que tu le cries. Ouais. Parce ben, ça fait 15 tounes, c'est ça. C'est parce que c'est les tounes qui jouent partout. Fait que c'est sûr que c'est la toune de tout le monde, tu sais. Non, pas les miennes. Non, pas les tiennes, mais dans des bars. Mais ça joue pas dans les bars. C'est ça, dans les clubs, là. Club Mauve, là. Ça joue pas. Ça joue pas dans les bars, moi. Ça devrait, par contre, parce que ça serait pas mal meilleur que ce qu'il joue dans les bars. Hein? Ben, pas cette chanson-là. François, t'insultes un band local. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est super bon. Ouais, on en fait jouer souvent. Tout à fait. Tout à fait. C'est notre façon de les supporter. En les insultant. Non, on n'est pas. Moi, je les supporte. Moi aussi. Moi, je les aime. Toi et moi, on a animé les palmarès cette semaine et puis on a vraiment. Moi, j'ai essayé. Ouais, c'est ça. Vous êtes rendu en équipe vraiment soudée. Il n'y a même plus de tradition. On a encore chanté Barbies. C'est vrai, hein? Jeudi. Une dernière fois. Après ça, on enterre ça. Mais okay. Non, on trouve une autre toune, quelque chose, là. Ce qui tente, la ville du ski, là. Est-ce que t'es allé voir ce qui tente? Moi, je peux voir la fille qui pleure, là. Ok, pleure. Ce qui tente. Mais je sais plus c'est quoi la toune, parce que je te trouve. Tu sais plus c'est quoi la toune, il n'y a pas de parole dans la toune. C'est ce qui tente, la ville du ski. Hey, puis quoi de neuf, François? Pas grand chose, toi? Oh, tranquille. Bon, parle pas de ça. Je pense qu'on est jaloux de notre équipe, puis de son talent. On chante tellement bien. C'est ça. C'est l'odeur que vous dégagez. Voyons! Qui nous surprend. Odeur de... Hein? De propre. De propre, ouais, on est propre, on s'en va à journée de carrière en enseignement. C'est vrai, tu y vas-tu? Est-ce que tu y vas? Carrière en enseignement? Oui, oui. Je sais pas. Vas-y. Tu t'en vas en enseignement. Amène ton sourire, puis... Ouais. Ouais. Mais non, mais c'est parce que là, il faut que j'ai plein de choses à faire, là. Va te faire des contacts, voyons, qu'est-ce que tu dis là? Pour aller enseigner le français dans d'autres provinces. Hey, puis t'arrives avec ton livre, là. Il va être comme full impressionné. Hey, tu dis, je reviens de la radio, j'ai fait une chronique. Ils sont en marchant, ils vont se dire, mon Dieu, qui est conscient, qui est prêt. Puis il t'a vu tantôt, fait qu'il est donc sous le charme automatiquement. Tu t'enfarges en avant, en avant sur tout le kiosque qui t'intéresse. C'est oh, j'étais prise dans ma lecture. Ça m'absorbe, le français. Pas de trait d'union. Juste de la soudure. Personne ne comprend les blagues, François. 21 à cette heure, ça prend des traits d'union. Ah, oh, ben non, ça en prenait déjà. Toutes les chiffres. Non, toutes, pas toutes. Toutes, mais c'est ça que tu as dit. Mais qu'en est-il de 101? 101? 101 qu'on dit, je pense. 101 traits d'union. Non, ça en prend tout. Bon, c'est réglé. Donc, on va y aller avec notre bloc à nous, un bloc de gars. C'est pas des... Le bloc des gars, tu sais, avec la bouche qui touche au mur à côté tellement qu'il était croche. Un bloc est accroche. Ouais, mais bloc des gars. Non, mais moi, les affaires de gars, tu sais, je trouve ça un petit peu trop tiroir pour moi, là. Dans le sens tiroir. On est trop fiers, les boys. Ben, c'est ça, catégorie. Moi, je me considère pas comme genre... T'es pas un gars. Non, mais c'est pas ça. C'est que les affaires de gars, c'est tout le temps genre... C'est en tout cas des mots qu'on dira pas en ongles, là. Des jeunes femmes, mettons. Ouais. Jeunes femmes. Des voiturettes. Des chicks, des chars, puis. Bon. Des voiturettes, des fillettes. Des petites fillettes. Ça, c'est le tiroir. Une autre sorte de tiroir, je te dirais. Tiroir de. Tiroir de. Est-ce qu'on s'en va en musique? Oui. On écoute Lovely Feathers et Loaiza pour François. Moi, je l'écoute pas. Hey, tu vas capoter sur cette chanson. Non, mais je sais c'est quoi pour vrai. Et moi, ça, puis je me devais de dire que j'aimais pas ça. Et moi, Jasmine, je te fais jouer du Library Voices. Oh, je suis contente. Oh. Merci. On écoute ça à Assemblage Requis jusqu'à 9h. future it should come on. You gotta give the public what they want. Ordinary people don't care about art. Une pièce qui s'appelle dans le domaine The Prime Minister's Daughter. On se quitte là-dessus et puis on se retrouve demain matin à 7h. Les gars d'SPM de gosse en viennent avec sport, politique et médias. Merci François. Merci Mathieu Plante. Merci Jasmine. Merci yeah. Myriam. Merci Myriam. Bonne journée. Yeah, salut. Bye. Merci Myriam. Merci Jasmine. Oui. Merci à nos parents et merci à Dieu. Au chat. Tonight we are forever.